Salut à vous, merci de nous retrouver au cœur de cette autre édition du débat panafricain sur Afrique Média Télévision, le culte de tous les dimanches qui revient exclusivement pour apprécier eh bien, le pool des relations entre le Mali d'une part et on va dire le reste des ennemis du Mali, y compris très certainement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, parlons-en, où le gouvernement de ce pays a d'ailleurs commis un communiqué cette semaine, lequel communiqué revient d'ailleurs pour avoir la précision du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis des 46 mercenaires ivoiriens qui sont encore détenus du côté de Bamako. Et bien pour les autorités de la Côte d'Ivoire, il est plus qu'urgent donc pour ces derniers de libérer dans les plus brefs délais ces militaires, parce qu'ils y sont simplement par prise d'otage, nous renseigne le communiqué d'Abidjan, une posture et bien du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui a eu le mérite effectivement de faire monter, on va dire, la tension du côté de Bamako, qui a donc revenu pour recadrer ses propos, cette sortie en tout cas de la présidence de Côte d'Ivoire, mais surtout pour mettre en garde la CEDEAO, qui a donc été sollicitée par le président Ouattara pour jouer, on va le dire, les arbitres autour eh bien, de ce dossier. Le Mali qui replique donc et met tout le monde à sa place. Il met en garde la CEDEAO si jamais elle souhaiterait interférer dans un dossier que le Mali considère comme étant un dossier bilatéral ou alors un dossier judiciaire. Comme pour dire, eh bien, que l'issue de ce dossier-là sera soit par la voie de la négociation dans le cadre en tout cas de la coopération bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ou alors une issue purement et simplement judiciaire. Nous, on en parle donc dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Merci à vous de nous retrouver. C'est tout pour la vitrine. Le temps pour nous d'apprécier rapidement donc nos invités qui nous accompagnent dans le cadre de cette édition. Je préfère rapidement embrayer par le plus ancien de cette longue lutte donc de libération du continent africain, docteur Basilikine, qui est avec nous. Doyen, bonsoir, bienvenue. Merci une fois encore de m'avoir invité à ce débat. C'est toujours avec plaisir que je retrouve mes copanélistes. Je ne vais pas les nommer parce que c'est à toi de le faire. Et je suis une fois encore heureux d'être là et très content d'apporter ma petite contribution. Avec vos notes, peut-être avec un coup de gueule comme tous les dimanches, Doyen. Oui. Vraiment, je suis allé dernièrement à Yaoundé et en plein centre-ville, j'ai vu un très beau monument où c'est écrit « J'aime mon pays, le Cameroun ». C'est une tautologie. Il y a des choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Sa patrie, ses parents, et c'est des choses que nous devons vénérer parce que c'est la providence elle-même qui nous les donne. Alors, quand on dit « j'aime mon pays, le Cameroun », ça veut dire « je pourrais ne pas aimer mon pays, le Cameroun ». C'est très, très inquiétant. Et je crois que les autorités qui ont fait ce monument-là devraient réfléchir et repenser la chose. Et j'en profite pour dire que au cœur de la ville de Yaoundé, il y a une immense place qui est consacrée à la croix de Lorraine et à la gloire du général de Gaulle. Ni la croix de Lorraine, ni le général de Gaulle ne sont Camerounais. Pourquoi un monument de cette envergure dans la capitale camerounaise? On se pose la question. Et à moins de 500 mètres de là, il y a le buste d'un militaire de la colonisation française qui a travaillé au Cameroun, docteur Jameau. On lui a fait un monument, tout simplement. Un médecin, parce que il a dû. On nous a appris autrefois, quand j'étais à l'école primaire, qu'il a éradiqué la maladie du sommeil. Mais même s'il l'a fait, pourquoi ériger un monument à la gloire d'un individu comme ça? C'est la colonisation. C'était un médecin de l'armée coloniale. Et c'est comme si, en France, on faisait, n'est-ce pas, un grand monument pour Waterloo, là où le Napoléon Bonaparte a été battu à plate couture. Donc, vraiment, les autorités camerounaises doivent savoir que l'histoire d'un pays, c'est dans les rues, c'est sur les places publiques. Si ils continuent à maintenir le général de Gaulle à Yaoundé et le colonel machin, et à Douala, place du gouvernement, vous savez, il y a un immense monument qui est consacré à la victoire française de la guerre, je crois, 1919, 1900, Voilà, la Première Guerre mondiale. Et plus loin, il y a une statue à la gloire du maréchal Pétain. Pardon, c'est son frère. Ce n'est pas lui, mais maréchal Leclerc, de son vrai nom de Hauteclocque. Alors, pourquoi, bon Dieu, le Congo est-il un pays occupé pour que seuls des monuments d'étrangers qui ont massacré des Camerounais, soient érigés sur nos places publiques? Messieurs du gouvernement, pensez à la chose. Eh bien, Merci. merci à vous, doyen, que dira-t-on de Jean-Auguste Lacantini, qui porte d'ailleurs dans un célèbre hôpital du côté de Douala porte son nom, alors que de très grands médecins qui ont d'ailleurs contribué à maintenir, on va dire, l'état de vie des Camerounais, on n'en fait pas part jusqu'à ce jour. Eh bien, peut-être la patrie pourrait être reconnaissant à ces derniers, l'occasion pour nous de vous accueillir vous aussi. Maître Janvier Momo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bon dimanche à vous. Un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Afrique Média. Docteur Basilikin, bonsoir. Et les autres copanélistes, c'est vous, le commandant en chef de ce plateau, c'est vous qui avez l'honneur de les présenter. Je ne vais pas oublier les techniciens sans lesquels les émissions sont impossibles. Alors, je n'ai pas de coup de gueule, je n'ai pas l'habitude de gueuler. J'ai l'habitude de Je me travaille sur défendre. des faits. Oui, je travaille sur les faits. J'ai l'habitude de me défendre. Et une chose est sûre, c'est que je vais dire merci à Aïcha Koné, à la chanteuse Aïcha Koné. Nous, depuis que nous avons engagé ce combat, quand nous écoutons des chansons africaines, c'est Ahmed Bakayoko, le demi-dieu. C'est ceci et cela. Il n'y a que Aïcha Koné qui dit merci aux panafricanistes. Et je commence. Mais il y a un début à tout, peut-être Non, non, il n'y a Aïcha pas un Koné qui début sert à tout, bien mais c'est parce d'exemple qu'on aux sait autres. que. Non, c'est parce qu'on sait que vous êtes pauvre, que vous n'avez rien, que vous venez lutter avec les mains vides, que vous n'avez rien, que dans ce combat, derrière ce combat, il n'y a rien, qu'ils vont à la télé dimanche bavarder, tout ça, il n'y a rien derrière. Mais Aïcha Koné vient de nous faire un grand honneur. Elle dit merci. Et elle est ivoirienne. Et la chanson intervient au moment où il y a une crise, entre guillemets, entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Et elle félicite Assimi Goïta. Et elle prévient les Africains que ce qui est en train de se faire au Mali, vous le comprendrez plus tard. C'est une artiste qui le dit. Je pense que nous invitons tous les internautes à acheter ce tube en honneur à De la lutte la panafricaine. lutte panafricaine. Je Absolument. pense que, je dis bien, elle est la seule. Quand vous écoutez nos artistes africains, mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils regardent les gros trafiquants de drogue et des grands voleurs dans des États. Ce sont leurs noms qu'on ressasse à longueur de journée. Jamais docteur Basilikin, jamais président Bandakani, jamais. C'est comme ça. C'est ça. Nous disons merci à Aïcha Koné que pour une fois, le combat a atteint là où il devait normalement commencer. Parce que ce que vous ne savez pas, docteur Basilikin vient de dire qu'on lit l'histoire d'un pays dans ses rues. Tout à fait. On lit aussi l'histoire d'un pays À sa musique. au travers du message véhiculé par ceux-là qui ont été choisis. On ne chante pas parce qu'on veut. Absolument. On sort du ventre avec ce don. Avec le don de la chanson, le don de la communication, le don de véhiculer des messages. Or, Aïcha Koné vient de véhiculer pour nous, c'est le plus grand message, c'est-à-dire merci aux panafricains. Ce que vous êtes en train de faire, certains le comprendront trop tard, plus tard, mais c'est pour l'intérêt supérieur des peuples africains. Merci à vous. Et nous sommes d'ailleurs fort aise de votre présence, Maître Janvier Bomo. L'occasion pour nous d'accueillir également Monsieur André Christel Fanga, PDG du groupe Fanga, pasteur par essence et par excellence, j'ai envie de dire par vocation aussi. C'est un réel plaisir que de vous avoir. Très cher aîné, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci, Fabrice. Belle présentation de ma personne. J'en suis fier. J'en suis fier, Janvier. J'en suis fier, monsieur docteur Basilekine. Très fier de toi, Nathan, aussi, qui est derrière les appareils là-bas, la technique. Fier de tous les Africains qui sont en train de regarder et qui sont sur ce plateau. D'ailleurs, vous vous êtes réservé le luxe. C'est bien. Pour vous présenter en dernière position, parce que je ne vous arracherai pas ce droit. Je le salue grandement, ce brillant Africain. Et je voudrais m'aligner derrière le coup de gueule du docteur Basilike. C'est impensable et incroyable. Et c'est là où j'apprécie souvent l'intervention d'un aîné qu'on appelle souvent, et qui est même sur ce plateau, le président Badakani. Il interpelle souvent les têtes couronnées de nos traditions. Où sont les chefs traditionnels? Est-ce que vous vous souvenez que les chefs traditionnels de la ville de Douala sont allés casser un monument à l'honneur de Oumiobé dans la ville qu'on appelle Douala? Ils sont allés casser. Mais on n'a jamais vu un chef prendre ses populations, aller à la place du gouvernement Bonanjo pour casser le monument. Mais on a cassé le monument Oumiobé. On a interdit. Tous les Douala sont sortis pour ça. On a même fait des rituels à la place, des rituels traditionnels, que ça ne peut pas se passer ici comme ça. Ils ont aussi les leurs. Ah, donc le clair, autoclope, n'est-ce pas? C'est les vôtres. Le soldat inconnu de la place du gouvernement, c'est les vôtres, n'est-ce pas? Tous ces gens, les rues, je ne sais pas quoi, des Français qu'on a liés un peu de partout, c'est les rues, c'est les vôtres, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avoir les nôtres, les rues, portant le nom des nôtres. Rue Pau, rue Gallieni, rue du colonel, ceci, majeur, camp du maréchal Leclerc, camp de ceci. Mais des feignants qui sont venus ici, des suicidaires, de gang, c'est qui? Ils font quoi? Si les Camerounais n'avaient pas saisi ce monsieur, l'arrêter, parce qu'il avait une corde qu'il voulait attacher pour se suicider. Il faut le dire. Monsieur De Gaulle avait une corde qui voulait se suicider. C'est le Cameroun qui dit, mais tu vas te suicider, pourquoi papa? Nous on aime la vie ici. Au Cameroun, nous on aime la vie. C'est le problème, c'est quoi? Il dit, non, les Allemands sont en train de nous ont pourchassés, nous ont tabassés partout, donc on n'a plus moyen. On n'a plus de pays. Il dit, ah bon, vous n'avez plus le pays? Ok, on va vous redonner le pays. On a pris la France, on a arraché la France entre les mains des Allemands, on a redonné aux Français. Ces gens-là viennent parler fort devant nous. C'est de qui? Ils ont des rues partout. Et ils pensent qu'on n'a pas fait l'histoire. On n'est pas suffisamment ancré dans l'histoire. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a demandé qu'il faille réécrire l'histoire du Cameroun lors de sa dernière visite. Mais il va réécrire comment? Avec côté de Yaoundé. Avec la Achille Mbembe. Est-ce que les grands... Avec les tics. Des gens qui sont assez intelligents, qui ne peuvent pas reconnaître que s'ils ont eu un Roland Garros dans leur vie, c'est un Camerounais. S'ils ont eu quelque chose, s'ils ont gagné une Coupe du Monde, ou bien les deux Coupes du Monde qu'ils ont gagnées, dans leur équipe nationale, il y avait au moins 9 Africains. Donc aucune victoire n'est française, n'est française que à partir de au moins 5 à 6 Africains. Donc quand ces gens parlent vraiment, sachons faire. Et je finis en disant ceci. J'ai vu une photo où M. Yannick Noah chantait la Marseillaise et pleurait. Et en coq sportif. Mais c'est lui le premier qui est reçu au premier ministère. Avec une délégation de... Après, on ne peut pas connaître les raisons pour lesquelles il a été... Mais c'est l'agent commercial. C'est l'agent commercial de coq sportif. Quelle raison? Donc, qu'il aille pleurer chez lui en France. Pardon, allez pleurer en France. Laissez notre pays tranquillement. Parce que même si c'est avec Nkuna, la griffe Nkuna, qu'on doit mettre sur nos lions, on va mettre. Même si c'est zéro griffe, on n'a pas besoin de ça. Les lions ont déjà un nom, ont déjà une renommée. On va utiliser tout ce qu'il faut pour qu'on aille à la Coupe du Monde. Merci. Mais c'est quel est un corps qui peut habiller un fauve? Ça se fait où? Bon, maître, peut-être pour... Kuna, dont tu parlais, protégé. Bien sûr. Quand tu parlais de Kuna, c'est une griffe. Protégé, parce que de Chang à Boumnyebel, c'est un label qui est très protégé. Tout à fait. Merci à vous, maître Janvier, pour moi un peu d'humour sur ce plateau. Occasion pour nous d'accueillir le dernier invité, pas de moindre, loin de là, mais sinon la considération que nous avons vis-à-vis de lui nous oblige à lui donner tout cet honneur. Président Badakani, très heureux de vous retrouver une fois encore après ce petit périple du côté de Bangui. Ça y est, on vous retrouve pour un autre dimanche, pour un autre rituel. Bienvenue, Jean-Désir, papa, bonsoir. Merci beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir commencé par le doyen, de vous reconnaître son statut. C'est notre aîné d'âge. Et il a un âge où il ne devrait plus s'asseoir ici. Mais il est là pour donner un message au monde. Que même jusqu'à son dernier souffle, il va combattre. Exactement. Parce qu'il faut combattre. Et il est aussi là pour donner un message à sa génération. Qui regarde ce combat avec une indifférence, qui regarde ce combat comme si tu n'étais pas concerné. Avec désinvolture. Il vient de dire lui-même, avec désinvolture. Mais la véritable raison, c'est qu'ils sont compromis. Ils sont compromis. Il faut bien dégager les significations de certaines présences sur le plateau. Ce n'est pas n'importe quelle présence. Quand nous avons la chance d'avoir quelqu'un de son âge qui est assis là depuis 10 ans, qui est fidèle et qui tient le discours qu'il tient ici depuis 10 ans, c'est une chance pour nous. Et nous, on est très contents. Quand on a l'occasion de lui rendre hommage, on lui rend hommage. Tout à fait. Donc je le salue avec beaucoup de respect, Dr Basileki. Il est notre aîné à tous, il est notre papa à nous tous ici. Je salue le maître Momo. Je ne vais pas insister sur lui parce que bon, tout le monde connaît les liens que nous lie. Ce sont les liens de. C'est la solidarité des combattants au front. Et c'est une solidarité particulière parce qu'il sait comment ça s'est passé. Dans ce combat, c'est depuis 10 ans, ce qui s'est passé. Pour qu'on arrive là où on arrive aujourd'hui. Donc c'est un témoin de l'histoire de ce combat. Salut l'apôtre Fanga, qui apporte une touche particulière, c'est sa touche pastorale, qu'il assume d'une manière assez originale. Assez originale. Et c'est tout à son honneur parce que, généralement, les personnes nous habituent à dire que non, ils font pas ça, les concerne pas le combat, si ça ne regarde pas. Vraiment, ils ne se mêlent pas des choses comme ça, ils font la politique, ils ne font pas la politique, et puis vraiment, eux, ils prient seulement et tout, et tout. On a un pasteur qui s'engage à un niveau très, très élevé, et tout en assumant sa posture pastorale. Tout à fait. Il est cohérent dans ça. Il articule les deux tranquillement, sans problème. Il fait partie, c'est nos compagnons de combat. C'est quelqu'un qui nous inspire énormément dans ce combat-là, avec cette touche particulière qui est d'articuler le combat avec, n'est-ce pas, sa foi, avec l'autorité, n'est-ce pas, de son métier de pasteur. Parce que comme vous dites, il est pasteur, il n'est rien que... Il est ça. Il est pasteur. Tout ce qu'il faut après, là, ça vient après. Donc, je le salue particulièrement. Je salue les techniciens. Je salue tous les téléspectateurs qui sont accrochés à cette émission qui est devenue une émission historique. Un rendez-vous historique. Je pense que mon président dit des choses très graves. Peut-être même il ne le mesure pas. Du doyen Basileki jusqu'au l'apôtre Fanga en passant par Maître Momo. Les questions qui ont été soulevées sont des questions graves. Mais le moment a commencé par nous interpeller, c'est une femme. Elle vient de fêter les 40, ses 45 ans de carrière musicale. Aïcha Kone. Il connaît qui est Aïcha Kone. Il connaît Aïcha Kone. La nouvelle génération ne savent pas qui est cette dame. Aïcha Kone, c'est pas n'importe qui. Dans le landerneau musical africain, Aïcha Kone, c'est pas n'importe qui. C'est une icône, alors une vraie icône. Pas les histoires qu'on fabrique là maintenant. Là. Et qu'on appelle icône diva. Ça, c'est une vraie diva de la musique africaine. À son anniversaire, elle a invité des gens comme le Tchalamoana. Quand on voit les noms là, c'est les noms que les papas que nous connaissons, Tchalamoana. La reine du Moutouachi. Les gens ne savent pas. Donc, justement, mais tu as raison, c'est l'une des premières fois que je vois un témoignage sincère venant d'une artiste de cette dimension. Rendre hommage au panafricanisme. Après cette sortie, elle a eu des problèmes, hein. Il fallait s'y attendre. On a commencé, la machine Ouattaris a commencé à l'attaquer. On a monté tous les petits ramassis de coupés décalés qui chantent tout n'importe quoi. Coupés décalés, c'est quoi? De toute façon, c'était. On va pas parler. Ce qu'on a besoin dans le monde, on compte coupés décalés. C'est quoi ce truc? Mais comme c'est un truc qui a été financé par les barons de la drogue. Il a pris dans ma bouche. Donc, on connaît qui a derrière, on connaît qui a fabriqué cette affaire. On connaît ce qui est derrière tout ça. Pour contrôler les populations, on les instrumentalise pour attaquer cette figure que personne ne peut oser attaquer en Afrique quand on parle de musique. Aïcha Kone. Pourquoi? Parce qu'elle a dit la vérité. Elle a déshabillé tous les gens qui font le coup de calais, qui racontent n'importe quoi. C'est pas la musique, en tout cas. Je ne fais pas les choses comme ça là-bas. Mais nous, on tolère ça parce qu'on comprend à quelle période on se trouve de confusion. Mais nous ne pouvons pas laisser que des ramassis attaquent à chaque année. Mais comment? On peut pas se taire. Que les petits enfants, les débordos. Des bordeaux attaquent à chaque année, on se taire. Nous sommes suivis ici, c'est pourtant que je parle comme ça. Des bordeaux, ils attaquent à chaque année, nous, on se taire. Les enfants comme ça parlent à chaque année. Pourquoi? Elle les a déshabillés. Parce qu'elle veut comprendre que même, Notre musique là sert à quoi? On chante quoi? Pour fermer les yeux devant ce qui se passe sur le continent, on ne dit rien. Mais la maman a pris sur elle de rendre un hommage au panafricanisme, de rendre un hommage à Sénégal Goïta. Elle a pris sa responsabilité. Elle sait comment l'attaquer. Elle savait comment l'attaquer. Mais elle a assumé ça. Donc, nous rendons un hommage, mais à ta suite, nous rendons hommage à Aïcha Koné. Afrique Média, le monde, c'est nous. Parce que vous pouvez encore l'insulter comme vous faites. Les enfants égarés, les couples décalés peuvent encore oser l'insulter. On comprend. Mais arrêtez-vous là. Parce que Aïcha Koné n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est un monument africain. Quand on parle de musique en Afrique, Aïcha Koné, c'est un monument africain. C'est un monument mondial. Mondial. Donc c'est inacceptable ça. Et d'autres musiciens ivoiriens qui ont une certaine dignité encore doivent se lever pour défendre cette maman. Ils doivent, c'est-à-dire qu'ils ont encore une certaine dignité. Nous, on les regarde. Je ne sais pas, c'est vous qui l'appelez monument. C'est vous. Moi je ne l'ai pas appelé monument. Tikenja pour le Panafricanisme n'est pas un monument. On sait pourquoi. Si un jour sa musique a eu un sens, c'est maintenant qu'on va voir. Qu'il s'élève pour défendre la maman. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des grands artistes. Et tous les grands artistes ne sont pas des monuments. On peut être un grand artiste parce que les écuries te fabriquent. En ce moment, ça se passe. En ce moment, ça se passe. Nous connaissons Tikenja pour qui il roule. On connaît tout ça. Tous ces gens-là, on connaît. La Côte d'Ivoire a tellement qualifié les choses. On connaît. Mais ils se connaissent eux-mêmes. Ils savent que s'ils ont un jour été artistes, ils ne peuvent pas se taire devant ce qui se passe avec Aïcha Koné. Ils ne peuvent pas se taire. Parce qu'une artiste a le droit d'avoir ses opinions, non? C'est un droit. Eux, ils ont leur opinion et sur les attaques. Pourquoi la maman est attaquée pour avoir exprimé ce qu'elle pense? Et de quelle manière? Et on laisse les enfants qui, à tout point de vue, ne peuvent pas cirer sa chaussure. Parce que leur musique qu'ils jouent, c'est la saleté. Je dis que c'est la saleté qu'ils chantent. On tolère seulement ça parce que vraiment, on n'a rien à faire. Allez écouter la musique de cette dame. Elle a fait vibrer le continent africain quand ses enfants ne pouvaient pas imaginer être né un jour, qui ferait la musique. Et dans des conditions pas possibles. Elle est dans le rang de Myriam Makeba. Mais comment? Aïcha Koné est dans les dimensions de Myriam Makeba. Peut-être vous, les jeunes, vous ne connaissez pas. Il sait qui est cette dame. Donc, un peu de retard. Il y a des limites à ne pas franchir. Donc, nous les mettons en garde qui ça s'arrête là à insulter. Qu'on ne mette pas la main sur Aïcha Koné. On ne touche pas à Aïcha Koné. On ne la touche pas. Juste ses cheveux. Je peux lire ce qu'elle dit. Bien sûr. Avec votre permission. Bien sûr, vas-y. Voici ce que Aïcha Koné dit. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je pense que le combat que mène aujourd'hui Assimi Goïta n'est pas celui du Mali seul. Et je crois que nous allons nous en rendre compte plus tard. Il est sur la voie de continuer un combat mené par nos devanciers pour la liberté de l'Afrique. Si nous disons que nous sommes panafricains, nous devons comprendre les choses dans ce sens. Moi, je suis une artiste chanteuse et je soutiens Assimi parce que c'est un panafricain. Même si je ne suis pas du Mali, je pense que c'est un combat collectif. Si le Mali sort vainqueur de ce combat, nous aurons tous la victoire. C'est ce que dit Aïcha Koné. Qui parmi les artistes-là a osé aller à ce niveau? Mais non, j'ai dit qu'ils disent à Ahmed Bakayoko, le demi-dieu, mais pour aller prendre les petits sous. Arrêtez ça. On connaît et on connaît ce que vous savez. Oui. Mais écoute, il n'est plus vivant ce type. Donc on connaît l'histoire. Toute la mafia de la drogue, dans laquelle tous ces artistes-là sont mouillés et impliqués. C'était tout. Cette maman, c'est une femme digne. Durant toute sa carrière, elle n'a pas connu de scandale. Ça, c'est. Toute sa carrière. C'est un scandale. Nous allons lui réserver un grand prix. Bien sûr, maître. Donc, vraiment, Aïcha Koné, c'est un patrimoine africain. Ouais. C'est les petits-enfants, les garçuillers de Côte d'Ivoire. J'ai dit les garçuillers de Côte d'Ivoire qui font le bruit avec ce le bruit. Ils appellent ça la musique-là. Qui détruit la morale. Qui rabaisse même, c'est-à-dire que la santé mentale de la jeunesse africaine. Que les gens se réfléchissent 4 fois avant de parler. Je sais qu'elles menacent leur réseau. Tu sais qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara est en train de créer un terrorisme pour amener tout le monde à faire flanc derrière lui dans l'affaire, dans leur soldat. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouais. Ça ne marche pas, mais il a derrière, il force. Ouais. Donc, Aïcha Koné a eu un courage terrible de résister à cette pression pour mettre sur la table le vrai problème. qui a de savoir que le combat panafricaniste. Et on ne comprend rien au dossier des 49 soldats. Si ça met de côté, le contexte tout à l'heure, on y reviendra. Je termine avec la question de toujours les monuments. Frère, il vient de soulever un problème ici. Ce qui s'est passé avec Oumdiomé, c'est à faire le monument de Oumdiomé. Oui. On a dit à l'époque qu'ils aillent chez eux. On a dit à Antonin, il ne sait pas si on lui a dit. Il devait être dans le coup, parce que ce sont les mêmes gens. Non, on a monté l'endroit là-bas vers le village. Tu te rappelles? Oui. Que l'on va faire le monument là-bas vers le village. C'est un espace là-bas à Douala. On parle d'un héros national. Érigé à ce niveau sur la base d'une loi votée au Parlement du Cameroun. Les gens ont laissé faire dans ce pays. Les gens ont laissé faire ça. Oui. C'est-à-dire que des troubadours, sous prétexte que son chef savoir, se sont levés un matin pour aller attaquer un héros national. Oui. Et nous savons qui sont derrière cette affaire. Oui. Certains barons de régime étaient derrière cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille, et c'est là où je vais insister. Le nationalisme camerounais a plusieurs étapes. Il y a plusieurs figures héroïques. Mais toutes ces figures héroïques constituent le nationalisme camerounais. Mais la France et ses clients locaux saucissonnent, décapitent, fragmentent l'héroïsme national camerounais. Et on villagise les héros. À Douala, la bataille, c'est quoi là? C'est Mangabel seulement qu'on doit célébrer ici. Ce sont les Ngossédines qu'on va seulement célébrer ici. Pourtant, on allait les cacher derrière les maisons. Ce sont les gens comme ça. Que, vous voyez comment on morcelle la mémoire historique du pays. Mais à qui ça profite ça? Mangabel vous a dit un jour que tu étais contre Mangabel? Non. T'as quelle réunion? Les Ngossédines, c'est le même combat. Les Mangabel, leur combat a enfanté les Mangabel. Leurs écrits, Mangabel, leur rend hommage tous les jours. Oui. Il les a pris pour référence. C'est la continuité de l'institut camerounais. Camerounais! Mais eux, ils se saucissonnent. Hein? A dit que c'est tété combo, le tété combo. Comme ils disent là-bas, le tété combo. Tété combo de quoi? Mangabel, c'est Oumdiomé. C'est le même combat qu'ils ont mené. C'est tout. C'est le même combat. Donc, si un Camerounais de l'ouest ou de l'est décide de faire le Mangabel, un monument là-bas chez lui, on va dire que c'est un fou qui l'amène ça, que part d'ici, va laisser chez les Sawa à Douala. C'était terrible. Mangabe, c'est une figure nationale du Cameroun. Vous voyez à quel niveau c'est qu'il a. C'était un acte grave qui est passé comme ça. Et moi, j'ai gardé l'autorité de mon pays, laissé faire. Je secoue la tête. Je secoue la tête. Mais pendant ce temps, ces chefs, ils vont faire les prières autour du monument d'un étranger. Ils font, je dis qu'ils font les prières. Hein. Oui. Le monument des clercs là-bas à Bonanjo. Oui. Ils n'ont jamais touché ça. Ils n'en parlent même pas. Or, ce monument est le symbole de la continuité, de la dépossession même de leur patrimoine foncier. Puisqu'ils revendiquent ça. Oui, c'est clair. Les Allemands ont pris. Les Français ont continué à prendre. Là, on a mis le document de Leclerc là, le parti Jost là. Ça appartient aux Français. Ça appartient aux Français. Pourquoi on ne parle jamais de ça? Mais dès qu'on voit la tête de Oumdiomé, on sort les flèches et les lances. On détruit ce monument en plein jour. On réduit le Cameroun à une juxtaposition de tribus prêtes à s'affronter. Exact. On n'a pas de mémoire nationale. Rien ne nous unit. Rien ne nous lie. Vous voyez comment des chefs ont participé à un acte qui détruit l'unité du Cameroun. Les autorités et ont laissé. Et on regarde. Bien sûr, on a laissé faire, puisqu'on ne leur a rien fait. Or, le Parlement camerounais a dit que Oumdiomé, c'est un héros national. Oui. On a laissé faire. Vous dites que ce que le pasteur Franga a décrit là, il fallait y insister sérieusement. C'est pareil avec quelqu'un qui va l'histoire, on veut croire que Oumdiomé, c'est la fête des bassins. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Refuser que l'on puisse appeler à son étiquette. Mais donc on le sait, on sait qu'Oumdiomé, on connaît ses écrits, on connaît. Quand il est allé à l'ONU, il est parlé pour les bassins. Il est allé pour le Cameroun. Et pour l'Afrique. Et pour l'Afrique. Parce que et pour l'humanité opprimée. Oui. C'était un mouvement de décolonisation. Oumdiomé, allez lire ses thèses. Oumdiomé était un humain. Il dit que son combat était du combat du genre humain. Il épousait, il articulait le combat du Cameroun avec le panafricanisme et la défense de tous les peuples opprimés de la terre. Ce sont des écrits de Mbembe. C'est ça qu'on appelle nationalisme révolutionnaire, idéologie de base de l'UPC. C'est écrit, nous savons de quoi nous parlons. Pas l'africanisme, c'est la première heure. C'est écrit. Donc, les gens vont faire comme... Non, c'est une affaire de bassin. Et vous allez voir des gens disant les dieux et principes, allez recevoir un ambassadeur de France. Non, c'est important, mon frère. Vraiment, si tu ne finis pas par là, c'est comme ça. Moi, j'allais relever. C'est que c'était quand même, pour nous autres, c'était très scandaleux, président, quand on a vu. Mais après, on peut comprendre pour qui, pour quelle branche, même si on connaît toutes les façons qui ont au son, qui est au son de ce parti historique. Mais on sait pour qui roule l'ambassadeur de France. La vraie. Donc, on sait pour qui roule l'ambassadeur de France au Cameroun. Tout à l'heure, c'est vous qui avez convoqué la commission des bêtises que le président Macron est venu parler au Cameroun, qui veut faire une commission pour expliquer l'histoire. Mais qui va s'asseoir avec lui? L'histoire de quoi? Allez lire le discours de l'ambassadeur de France, cette affaire. C'est celui avec qui il allait s'asseoir pour manipuler la mémoire de Mbembe. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que fractionner toutes ces choses-là, tribaliser, détruire, tribaliser. On peut dire que De Gaulle, c'est un héros de Colombé, de deux églises, de son village. Ouais. Tu peux dire ça? Tu peux dire ça? Mais quand c'est ici, les gens trafiquent ces choses-là. Donc moi, j'ai voulu profiter de ça pour poser ce problème sur la table, pour dire qu'on savait ce qu'il y avait derrière. Pour qu'ils roulent tous ces chefs. Pour qu'ils roulent. Ils sont chefs, mais ils sont des agents. C'est tout. Manipulés par certains barons tapés, on les connaît. Qui tirent les ficelles par derrière. Parce que quand on divise Douala, on dit que Mbembe seulement c'est le héros, c'est lui, n'est-ce pas, savoir c'est pour lui. Mm-hmm. Oui, parce que ça veut dire, ça devient un fief politique. Et quand c'est un fief, à qui ça appartient? C'est mon regard. Merci. Merci à vous, président Mbanda Kani. Oser lutter, c'est donc véritablement oser vaincre. Et nous allons effectivement, pour apprécier le sujet central qui nous intéresse ce soir, c'est donc, on dira pas une guerre de communiqués, mais des sorties quand même assez radicales, que ce soit du côté du Mali, mais surtout du côté de la Côte d'Ivoire, autour donc de ce qui convient d'être appelé l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Tout d'abord, monsieur, on va prendre ce communiqué du gouvernement ivoirien, ensuite on prendra celui du Mali afin d'apprécier ou alors de mieux nous situer dans ce contexte. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence Monsieur Faure Yassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali et, d'autre part, exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire estrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali, ainsi qu'à leurs familles, tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. Le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 14 septembre 2022. Et voilà, pour avoir donc le cœur net autour de ce fait d'actualité, on va donc cette fois-là, à la suite de ce communiqué truffé de contresens et de contre-vérités qui méritait justement un recadrage. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Premier ministre par intérim malien, le colonel Abdoulaye Maïga, en 7 minutes 23 secondes, tout comme le précédent communiqué. Nous avons donc les précisions avec vous, Nathan. Nous recevons sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous avez un communiqué important du gouvernement par rapport à la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Senou le 10 juillet 2022. Et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission, ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaire, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisait pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022 à Lomé. En ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Vous, Nathan, pour ces nombreuses interventions, maître, on va rentrer dans le vif du sujet pour essayer au détail près d'apprécier d'abord cette démarche, cette rhétorique ivoirienne qui voudrait effectivement préserver un certain nombre d'acquis. Et là, je vous laisserai le son tout à l'heure d'apporter des précisions, mais avec cette réplique malienne qui permet de remettre effectivement tout dans le contexte, et quand on remet donc effectivement les éléments dans le contexte, nous sommes un tout petit peu surpris de la communication que tient encore Bamako, que dis-je, Abidjan aujourd'hui, des semaines après. Alors, c'est assez rocambolesque, mais nous allons continuer à conseiller le gouvernement de transition du Mali, qui est aujourd'hui le gouvernement de transition de l'Afrique vers l'indépendance totale et vers la souveraineté véritable, que dans cette démarche, il faut éviter la récréation. Parce que la récréation, elle est terminée. Et comme elle est terminée, le Mali a pris le chemin. C'est le chemin de l'Afrique, c'est le chemin de tout le continent. Il faut donc éviter de se perdre en conjecture avec un éternel menteur. Il ment à tous les temps. C'est-à-dire que... Vous vouliez attendre quoi d'autre de l'actuel gouvernement ivoirien, Monsieur Doum? Mais c'est vous qui êtes surpris, il faut faire attention. J'ai dit, il faut faire attention. Lorsque les 49 mercenaires sont interpellés à l'aéroport de Bamako. Mmh. Au 10 juillet dernier. Que dit la Côte d'Ivoire? Qu'ils doivent être libérés dans les plus brefs délais. Et qu'ils sont au service de la MINUSMA. Au départ, c'est sans délai. Après, on a dit dans les plus brefs délais. Bref. Mais, écoutez, donc, c'est la MINUSMA elle-même qui dit « Nous n'attendions aucun contingent ivoirien en nos rangs. » Ils s'étaient dit, et ils disent que ils devaient assister le contingent allemand. Et les responsables diplomatiques allemands disent « Nous n'attendions rien comme contingent de la part de la Côte d'Ivoire. » Alors, les 49 mercenaires, ils doivent nécessairement répondre à la justice malienne. Et si nous pouvons parler le langage de la franchise, mais le gouvernement de transition du Mali a commis une erreur monumentale. Tout à fait. Alibérant. C'est celle de vouloir faire un échange avec Alassane Dramane Ouattara sur ceux des Maliens qui ont des mandats d'arrêt internationaux. Mais vous avez suivi il y a quelques mois la communication entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, qui fait partie des personnes recherchées, voulues par la justice malienne. Tout à fait. Mais ils parlaient du chaos qui se préparait au Mali. Ils parlaient du riz, ils parlaient de l'argent au niveau du trésor public pour payer les fonctionnaires. Et ils ont conclu en disant que la Fédération de Russie livrait des armes obsolètes au Mali et que le Mali s'en contentait. Donc, il faut faire très attention. Le gouvernement de transition du Mali n'a pas du temps à perdre avec la Côte d'Ivoire que nous, panafricanistes, nous connaissons. C'est perdre du temps inutilement. La justice malienne doit faire son travail. S'il doit avoir des négociations, les négociations doivent intervenir avec des décisions de justice malienne. Et à ce niveau, le Mali est appelé à négocier en position de force et attendre que ce soit la Côte d'Ivoire qui lui propose. Parce que le Mali ne court pas après la Côte d'Ivoire. Que ce soit la Côte d'Ivoire qui lui propose un échange de prisonniers aujourd'hui. Quel est le statut juridique des 46 Ivoiriens aujourd'hui dans les geôles maliennes? Pour Abidjan, ce sont des otages. Mais monsieur, Abidjan parle des otages parce que le gouvernement malien a tenté, le gouvernement de transition a tenté une démarche qui tendait à recevoir ceux des Maliens qui sont recherchés et qui sont protégés par le gouvernement ivoirien et la libération des 49 mercenaires, 49 criminels, dont 3 ont été libérés. Donc, je pense que c'était l'erreur fondamentale. Parce qu'il faut dire qu'on a dans les nationalités de ces 46 mercenaires incarcérés du côté de Bamako. Il n'y a pas que des Ivoiriens à l'intérieur. Il y a plusieurs nationalités de la sous-région ouest-africaine qui y sont. Non, pour le moment, j'ai dit pour le moment, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui réclame dans des documents officiels qu'il y a 49 de ses compatriotes. N'allez pas faire la philosophie ailleurs. La Côte d'Ivoire vous dit, j'ai 49 Ivoiriens qui sont détenus en République du Mali. Même si, parce que dès les premiers jours, lorsque nous avons constaté qu'au rang des mercenaires et leurs professions dans les passeports, il y avait des menuisiers, il y avait des maçons, nous on a compris l'entourloupe qu'il s'agit d'un fourre-tout. D'un conglomérat d'individus. Et dont le mercenariat a donc ce domaine de définition, c'est que c'est le fourre-tout. Dans le mercenariat, très souvent, on ne regarde pas la nationalité. Donc, pour nous, ce sont des Ivoiriens. C'est dans le sol ivoirien que ceux qui ont monté le coup vont savoir comment les dispatcher dans leur nationalité, s'il en existe, parce que ce sont des passeports ivoiriens. Donc, pour nous, la République du Mali a commis deux erreurs monumentales. Se fier à la médiation. Pendant la crise ivoirienne, vous n'avez pas vu les médiations qui se sont passées et comment ça s'est soldé. Mais le Mali, la justice malienne doit juger sur la base des infractions commises et sur la base des éléments fournis par l'ONU et le ministère allemand des Affaires étrangères. Parce que la Côte d'Ivoire dit ce sont des éléments qui devaient rejoindre le contingent onusien. Tout à fait. Après, ils se sont dédiés pour dire que c'était plutôt pour rejoindre le contingent allemand. Or, la République, la justice malienne a deux documents fondamentaux qui prouvent à suffire que les 49 mercenaires n'avaient pas un statut international au niveau de l'intervention et de leur présence au niveau du Mali. Et ce sont pas, c'est pas seulement la présence des hommes, c'est la présence des armes et des munitions de guerre. Ouais. Mais le Mali attend quoi? Et à ce niveau, nous sommes en matière de flagrance. Mmh. C'est-à-dire, on les a pris la main dans le sac. On n'a pas besoin des témoins internationaux. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est un dossier qui est propre pour la justice malienne de juger dans la vitesse. C'est-à-dire, chaque semaine, il y a audience jusqu'à l'intervention d'une une décision définitive. Et que la Côte d'Ivoire, la République du Mali ne se fie pas à la Côte d'Ivoire. Mais elle est en train, le gouvernement de transition est en train de faire bisous à la tête de la vipère. Mais si la vipère te mord au visage, tu vas faire le garrot ou c'est au cou pour mourir, toi. Mais c'est ce que le Mali est en train de faire. Il faut faire attention avec un être humain comme Alassane Dramane Ouattara. Je dis, qui ment à tous les temps? J'ai menti, je mens, je mentirai. Mais vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, ce qu'il a, il a écrit, ce qui se passe au Conseil national de sécurité. Après avoir envoyé un émissaire qui est passé aux aveux et a regretté le fait que les 49 soldats ivoiriens se retrouvent au Mali. Aujourd'hui, ils ont tourné, ils parlent d'otages. Voilà. Vous savez ce que veut dire un otage sur le plan de droit? Mais c'est très grave. C'est-à-dire, c'est la dénaturation des faits. Et ils sont, et il faut faire attention. La Côte d'Ivoire était dans une guerre. Et bien, c'est peut-être là qu'il faudra véritablement s'attaquer. Est-ce que la Côte d'Ivoire veut absolument dénaturer les faits? Puisque dans ce communiqué, et d'ailleurs, le colonel Abdoulaye Mega fait bien de rappeler le discours qu'ils ont eu quelques jours avant du côté de Togo, où on avait l'impression que les autorités avaient mis un peu de l'eau dans leur vin et qu'ils voulaient absolument que, voilà, que l'on aille à la résolution de cette affaire-là de manière calme, de manière beaucoup plus apaisée. Mais seulement en début de semaine, on a donc ce communiqué qui, contre toute attente, balaie du revers de la main un certain nombre de vérités qui avaient déjà été conçues jusqu'ici. Est-ce que dans la démarche d'Abidjan Odjif, il ne faut pas dénaturer totalement les faits? Si oui, à quelle fin? Mais monsieur, je vous dis que le gouvernement de transition est en train de faire bisous à la tête de la vipère. Mais que vous racontez, vous négociez avec Alassane Dramane Ouattara, mais c'est que vous, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. À l'heure actuelle, ils ont harcelé jusqu'à la CEDEAO. Tout à fait. On va y arriver. Une juridiction, la juridiction sous-régionale va intervenir et va supplanter à la décision de la justice malienne. Donc vous voyez qu'ils sont en train de prendre rapidement les devants. Tout à fait. Et vous continuez à attendre que des hommes pareils vont se revêtir du manteau d'appartenance à la sous-région pour la négociation. Mais vous êtes en train de vous tromper. Le gouvernement de transition du Mali n'a pas de temps à perdre. Ils sont là pour l'Afrique, pour reprendre les termes de Aïcha Kone, la belle, la pimpante. Ils sont là pour l'Afrique. Ce que nous avons besoin, c'est que le Mali, par la condamnation et le maintien de ses mercenaires, crée une mutinerie dans l'armée ivoirienne. Mais comment les géopoliticiens maliens ne parviennent pas à comprendre que rien qu'en utilisant la justice dans le droit, ils peuvent créer un précédent en Côte d'Ivoire et obtenir ce qu'ils ont besoin sans pour autant envoyer quelques messages que ce soit à Alassane Dramane Ouattara. Le fait d'avoir sollicité l'extradition de Boubou Cissé et des autres, mais les Ivoiriens, et ils ont compris que le gouvernement de transition était capable d'écouter les mensonges. Le gouvernement de transition du Mali ne doit pas avoir une propension à écouter Abidjan. C'est une erreur. D'accord. Non seulement Abidjan vous distrait, mais attention, vous êtes en train de jouer, et je le dis pour la troisième fois, avec la tête de la vipère. Merci bien pour cette répétition, comme l'a fait d'ailleurs le colonel Abdoulaye Mega dans son communiqué de 7 minutes 30 secondes. Alors, doyen Basilikine, c'est une rhétorique qui est quand même assez impressionnante du côté d'Abidjan. On le sait très bien, et Thierry Amand le dit, le chien ne rate, il ne manque jamais sa façon de s'asseoir. Et c'est peut-être ce qui est en train de nous servir aujourd'hui à Abidjan, qui à l'espace de quelques jours, 11 jours pour reprendre fièrement les propos du colonel Abdoulaye Mega, a réussi quand même à se dédier, c'est-à-dire reconnaître les faits et revenir dans un communiqué officiel lu devant la presse nationale et internationale, méconnaître les faits. Comment est-ce qu'on explique cela? Que jouent finalement les autorités d'Abidjan sur ce dossier? Écoutez, M. Ouattara appartient à la panoplie francophone. Et on croit, quand on est francophone en Afrique, que toute vérité vient de Paris. Alors, M. Ouattara, apparemment, Paris reste sourd et muet depuis que cette affaire est sortie. En tout état de cause, Paris n'a pas donné son point de vue aussi clairement que les Maliens l'ont fait. Eh bien, M. Ouattara se dit, je me débrouille comme je peux, je fais de la politique. Et en politique, le mensonge est, sinon autorisé, du moins légalement accepté. Eh bien, je me débrouille comme je peux. Et un jour viendra où le patron du Paris, depuis Paris, nous dira aux Maliens et à moi-même, voilà comment vous devez trancher cette affaire. Le problème pour M. Ouattara, c'est qu'il n'a pas compris que le Mali a décidé de quitter cette zone de flou où les pays africains ne sont ni indépendants, ni colonies. Eh bien, dans ces conditions-là, le Mali n'a qu'une voie, à mon avis, celle qu'a proposée tout à l'heure mon prédécesseur. Il s'agit que la justice malienne se prononce et applique ses décisions. Mmh. Eh bien, le jour où la Côte d'Ivoire reconnaîtra son tort, peut-être la justice ivoirienne va-t-elle libérer ces gens-là. La justice malienne. Malienne, va libérer ces gens-là dans des conditions légalement acceptables au Mali. Mais en tout état de cause, ce que les Africains doivent retenir dans cette affaire, c'est qu'un pays voisin a envoyé des soldats armés jusqu'aux dents pour aller déstabiliser un pays frère. Et ça, c'est très grave. Je sais que la Côte d'Ivoire a l'habitude de ces choses-là. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Et alors, la Côte d'Ivoire entend-elle se placer comme la base arrière de la France en Afrique pour traiter des affaires africaines à l'avantage, au seul avantage, à l'unique avantage de la France. Mais nous espérons que les jeunes dirigeants maliens ont compris cette situation-là et, à mon humble avis, la justice malienne doit aller jusqu'au bout de son fait, condamner ces gens-là et les détenir jusqu'au jour où on verra clair, suffisamment clair, pour soit les amnistier, soit les rapatrier et en tout état de cause, éviter que M. Ouattara, si ça, comme ça échoue cette fois-ci, ne récidive la prochaine fois et ne puisse, même par hasard, arriver au succès qui serait fatal pour l'Afrique. D'accord, merci à vous, Dr. Basilken. André Tissel-Fanga, je vous donne la parole puisque Abidjan parle d'une prise d'otages de la part du Mali. Et quand on voit ce groupe de mots utilisés, est-ce qu'on viserait véritablement un affront désormais entre présenter le Mali comme étant une nation ennemie à la Côte d'Ivoire? Alors, il faut comprendre une chose, le jeu de manipulation, le jeu de communication, le jeu des mots, des phrases, fait partie de la guerre. Donc, il y a déjà une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et quand nous parlons de la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire, version Alassane le drame, Ouattara. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons. Donc nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire du président Laurent Koudo-Gbagbo, de Mama Sivet et Ibe Gbagbo, de Blé Goudé ou bien des autres, d'Amana Picasse et tout le reste que nous connaissons. Des vrais Ivoiriens. On parle de la Côte d'Ivoire version Ouattara. Quand je le dis, c'est pour éviter. Vous savez, la cour de récréation réunit toutes les classes. C'est vrai. Et c'est pour ça que les Ouattara aiment la récréation. Parce que tout le monde se retrouve là. Ceux du CM2 sont là. Ceux du parlementaire sont là. Ceux de la CIL sont là. Du CPE sont là. Tout le monde est là à la récréation. Mais c'est quand on siffle la fin de la récréation que chacun regagne sa vraie classe. Et je pense que le Mali aujourd'hui doit siffler la fin de la récréation. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec un individu, un preneur d'otages de la première catégorie. Ça fait 10 ans plus de 10 ans aujourd'hui, qu'il y a des militaires ivoiriens en prison dans les prisons ivoiriennes. Disons plutôt en otage pour... Mais bien sûr, en otage, pris par qui? Par Alassane Dramani. Parce qu'en prison, ça veut dire, on a un avocat sur toi, en prison, ça veut dire qu'il y a des faits pour lesquels vous êtes réproché. N'est-ce pas? Ça fait 10 ans que des militaires ivoiriens, des commandants, des colonels, des généraux, sont en prison, en plein Côte d'Ivoire. D'ailleurs même, vous avez parlé d'un artiste de Bordeaux, le Koufa, ils sont nombreux comme ça là, qui se sont prononcés. Ils ne chantent pas pour les prisonniers de Alassane Dramani Ouattara, de ce que Alassane Ouattara a mis en prison depuis 10 ans aujourd'hui. Ils veulent seulement parler des 49 du Mali. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Ces gars ne dorment pas bien. L'effet du Bangalore rend fou. Mais il faut qu'ils apprennent à sécher ça normalement avant de commencer à faire des choses. Vous avez des gens qui sont en prison depuis 10 ans, des militaires, des vrais militaires ivoiriens. Vous savez que l'armée ivoirienne a été remplacée par des rebelles. Donc, c'est une armée qui a été reformée au moins à 70% où des chefs de rébellion, on les appelait les Komzon, les Dozo, tout ça, les chasseurs traditionnels, sont devenus des commandants, des colonels, des généraux dans l'armée ivoirienne. Et on vient nous parler de prise d'otages de 46 militaires en Côte d'Ivoire. C'était au Mali. C'était 49. On a libéré trois dames, on a dit pour raison humanitaire. Il y a une dame qui les a rendus, une Ivoirienne qui les a rendus visite. Pulcheri Bali. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est en otage. Elle est en otage de Ouattara. Et les artistes ne chantent pas. Les gens ne prennent pas de décisions. On n'appelle pas la CDA au secours. Que au secours, venez libérer. Mais écoutez, quand nous parlons avec des individus, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement Ouattara, c'est un gouvernement qui ne veut que faire la volonté d'un seul homme, Ouattara. Donc, tous ceux qui sont là, vous-même, un individu vient se placer pour lire un communiqué, lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de lire, parce qu'en avance, il n'a pas lu. Parce que s'il avait lu ça en avance, il n'aurait pas lu ça. Là, parce que la vérité, c'est que, heureusement que le gouvernement malien est très intelligent. Ils ont lu 7 minutes 33, non? Le gouvernement malien aussi a fait un communiqué de 7 minutes 33. Tout à fait. Et on a, point par point, vous ne pouvez pas. Vous avez dit, oh, c'est une prise d'otage, non? Que non, ils partaient pour la MINUSMA. La MINUSMA a dit que nous, on ne les connaît pas. On part pour soutenir le contingent allemand. Les Allemands. Le sous-secrétaire d'État allemand a été reçu par le gouvernement de transition malien. Les gars disent que nous on n'a rien commandé, on ne connaît rien dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'aime souvent citer les Saintes Écritures. Jean 8, le verset 44. Ils sont menteurs dès le commencement. Ils ne veulent que faire la volonté de leur père. Leur père, c'est qui? C'est le diable. Le diable manque dès le commencement, il manque de son propre fond, n'est-ce pas? Quand vous regardez les agissements de ce gouvernement, vous ne voyez pas que c'est des gens qui sont animés par un esprit démoniaque. Ils ont besoin de délivrance. Ce gouvernement a besoin, le gouvernement ivoirien a besoin de délivrance. Parce que vous ne pouvez pas venir mentir à tout bout de champ. Le directeur du cabinet va au Togo. Il fait une déclaration. Cette déclaration. On dit que nous reconnaissons. Il dit que nous reconnaissons nos erreurs dans le cas du déploiement de nos militaires du Mali et nous restons désormais, en tout cas, nous sommes à la disposition des autorités de Bamako quant à la suite à donner effectivement à ce dossier-là. Alors, donc, vous voyez ça. Maintenant, le Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire se réunit, sort un autre communiqué différent, disant maintenant que c'est à la prise d'otage. Je vous ai dit que c'est la récréation qui réunit tout le monde, toutes les classes. Il faut que le gouvernement malien siffle la fin de la récréation. Et la fin de la récréation, c'est... Okay. En quoi faisant, André? Aussi simple. Qu'on prend les 46 militaires, on les présente à la télé avec leur nom. C'est pour les protéger, le dis pour les protéger. Surtout parce que les 46 ne veulent même pas rentrer à Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas rentrer à Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas ivoiriens tous. Même s'ils étaient tous ivoiriens, ils ne veulent plus rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'ils seront zougouillés. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à ce niveau, André? Ah bon, Bakayoko a eu quoi? Le premier ministre de Côte d'Ivoire a eu quoi? Non, quand vous parlez de quoi? Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, commandant du groupement de répression anti-drogue a été arrêté pour trafic de drogue. Commandant de la répression de la lutte contre le trafic de drogue, n'est-ce pas? Ouais. A été arrêté encore pour trafic de drogue. Vous comprenez quelque chose à ce pays-là? Je me pose la question, est-ce qu'il y a encore garçon en Côte d'Ivoire? Pour que Ouattara puisse traîner tout le monde comme ça dans la boue. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir Pulcheri à l'air seulement saluer. On a dit que c'est nos frères ivoiriens, non? Je m'en vais les saluer. Mm-hmm. Quand elle est revenue, on a fouillé sa otage. On a fouillé son quartier. On a bouclé. On l'a pris. On a jeté à la maca. Et les Ivoiriens sont là. Ils regardent. Non, c'est incroyable. Après, on dit, on a les Camerounais. Ce n'est que le débat. Afrique Média, ce n'est que sur le débat de la Côte d'Ivoire parler des choses de Ouattara. Mais les preuves ne sont pas là. Est-ce que vous avez encore des garçons en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est encore réel? C'est encore cette Côte d'Ivoire de la lutte? De la vérité? Est-ce que c'est encore cette Côte d'Ivoire-là que vous vous êtes battu pour la liberté, pour arriver à quelque chose? Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est devenue une Côte d'Ivoire où des gens se gargarisent d'avoir un peu d'argent. Un peu d'argent de la drogue, un peu d'argent, je ne sais pas quoi, de trafic de tout genre, et un peu d'argent de Ouattara. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés à 500 000 chaque mois en Côte d'Ivoire maintenant. On allait augmenter le salaire. Dans les réseaux sociaux pour justement insulter tous les panafricanistes, n'est-ce pas? Tous les mois, ils ont un salaire, 500 000. Puis, insulter Bandakani, insulter Henri Diabaté, insulter Maître Janvier Momo, insulter André Fanga, insulter Afrique Média, insulter, passer le temps à insulter. Voilà, on vous remercie parce que vous en faites notre publicité, mais la vérité, elle est là. La vérité peut emprunter les escaliers et le mensonge emprunter l'ascenseur. La vérité finira toujours par arriver en premier. Merci, merci infiniment à vous André Christelle Fanga. Alors, Président Bandakani, nous vous donnons la parole autour de ce dossier puisque nous voulons mieux apprécier, connaître désormais quelle orientation voudrait donner Abidjan autour de ce dossier des 46 mercenaires incarcérés du côté de Bamako. Parce que pourquoi au départ, certes, on a très bien suivi ce dossier, au départ, Abidjan dit de ne pas reconnaître effectivement la présence de ces mercenaires au Mali. Après, ils reviennent pour dire oui, ils sont en mission officielle. Sauf qu'ils sont rattrapés, comme le disait André Kissel Fanga, par le mensonge. Après ce mensonge, donc, on essaie de se rébiffer un tout petit peu. On dit oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des failles qui ont émaillé, qui ont encadré, alors entouré la présence de ces soldats sur le sol malien. Sauf que, patatras, mardi, nous avons donc ce communiqué où on a un temps quand même qui se veut un peu plus dur vis-à-vis de Bamako, parlant même d'une prise d'otage. Et là, on veut savoir à quoi jouerait finalement Abidjan. Votre question est profonde. Ce que m'ont précédé en déblayant le chemin avec une maestra qui m'oblige, qui nous oblige à creuser. Maître Momo a dit des choses. Lui, il me parle comme ça, mais il me prend la légère, ce qu'il a dit. Je sais qu'il ne prend pas la légère. Même Momo a demandé, ça a commencé comment? Pour qu'on croie qu'on peut négocier avec Ouattara. La question qu'il a posée. Parce qu'il y a un certain fort également qui fait croire qu'il peut faire une médiation avec Ouattara. Thabo Mbeki, juste aujourd'hui, regrette toute sa vie. Il est tourmenté parce qu'il dit qu'il a entraîné Babo au nom de la communauté internationale, c'est-à-dire la pègre internationale. La pègre internationale, qu'on l'a amené à croire que cet homme a une parole. Tout ce que Ouattara dit à Thabo Mbeki, il n'a rien respecté. Mbeki est vivant. Quand vous parlez de Ouattara devant, lui vous dit que c'est une ordure. C'est toi le mot que Mbeki emploie comme mot. Hein. Tapez internet, vous allez voir. C'est le mot que Thabo Mbeki emploie. Il dit que il n'a pas encore vu un homme comme ça. Que c'est une ordure. Ce sont les mots que Thabo Mbeki emploie. Parce que Thabo Mbeki a cru un seul instant que c'est quelqu'un avec qui on peut faire une discussion et parler avec lui. Ses amis de réseau. Les nanas à Koudou là. Au Ghana, et les fois, elles m'ont fait croire

je suis prêt à tout. Ouais. Même engager une guerre nucléaire, parce qu'il s'agit de l'existence de la Russie. C'est tout. Mais qui pousse derrière? Washington arme les Ukrainiens. Ils ont des forces. En fait, ce sont les forces spéciales occidentales et américaines qui sont en Ukraine en train de vouloir faire de vouloir pousser à cette affaire. C'est la même chose qu'ils veulent faire ici. Ici. Alors, une armée internationale qui va. Oui. Qui va les conditions sont définies devant vous matin, midi, soir. Ça a commencé par la visite du voyou qu'on appelle secrétaire général de l'ONU. Un parfait voyou, un salaud. Il est un salaud à mon deux visions. Rappelez-vous sur le Covid ce qu'il a dit sur l'Afrique. On connaît bien ses propos là. L'Afrique lui a fait quoi? Est-ce qu'on parle comme ça des gens qui sont membres de l'ONU? Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Quand ça se passe, il a pris l'avion, il est venu ici, il a fait une tournée devant vous, il est parti du Sénégal, il est arrivé au Niger. Rappelez-vous, il a dit qu'il faut créer, il faut internationaliser l'armée du Niger. Il a dit qu'il appelait à qui? Pas à l'ONU de le faire. Et une entité. Je fais signe, vous savez, vous là-dessus. Tout à fait, président. Tout à fait. Il a appelé à ça. Nous avons crié pour dire que, mais comment les gens peuvent laisser faire des choses comme ça? C'est pas son rôle. C'est pas son travail de faire ça. Mais il a dit devant vous. Donc, l'idée d'une force internationale occidentale pour contrer la Russie dans le Sahel et défendre le Sahel par tous les moyens, quitte à créer une guerre éternelle dans le Sahel, cette idée marche devant vous depuis longtemps et c'est porté par l'ONU. Donc, le cinéma qu'ils ont fait en désavouant Ouattara devant vous, qu'on le désavoue, c'est pour tromper l'opinion publique. Pas derrière. C'est eux qui le portent comme ça pour dire que, monsieur, lance-toi. Nous sommes derrière toi. Lance-toi. D'accord. Et ça pousse donc l'abjection qui est en marche à Abidjan. Le fils de l'abjection mondiale. À bombé le torse. Vous avez tout compris. Merci à vous, président. Harry Diabaté Mandink. On a donc désormais cadré le sujet. On sait désormais où on va. Il faille tout faire, peut-être désormais, pour stopper, on va dire, effectivement, cela avant que ça n'arrive. Puisque la CEDEAO a été saisie, et il y a d'ailleurs une réunion de cette CEDEAO attendue du côté de Washington, et beaucoup des informations qu'on a pu avoir font état de ce que, avant peut-être la réunion effective de cette assise-là, il y aura le cas malien qui sera effectivement sur la table des débats, avec en prime, avec comme idée, voir comment contrecarrer la démarche, alors la présence russe du côté de la CEDEAO. Alors, tel qu'on est donc parti, Harry, qu'est-ce qu'on doit faire côté malien, effectivement, pour éviter que l'affaire ne s'enlise, j'ai envie de dire? C'est un plaisir pour moi d'être là, vous le savez. Je voudrais présenter mes civilités à tous mes frères qui sont là, frères de combat. Je suis content de les revoir. Je pense à Ahmed Momo, grand Merci. Plaisir. Je l'ai vu la dernière fois avec Amina Fofana. J'étais très content. Je reviens ce soir, je rencontre, je revois professeur Basilikine. Je suis très content de les revoir, en bonne forme, toujours prêt sur le combat. Je voudrais saluer l'inamovible, le président Bandakani. Mais vous savez, il a dit quelque chose, avant de répondre à votre question, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Mon esprit s'est mis à rêver. Mon esprit voltigeait dans l'histoire, dans le passé. Vous savez, quand il dit que il a raconté la situation malienne, elle ressemble étrangement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Colvézi, la légion descend sur Colvézi 1978, Mobutu, le régime de Mobutu est à bout de souffle, des éléments de l'armée décident de prendre le pouvoir dans la zone du Katanga, de prendre le pouvoir là-bas, de diviser le Zaïre en deux. Le Zaïre, Mobutu va se mettre à genoux devant les Belges, les Français, en leur disant « Je suis le dernier rempart de l'Occident face aux Rouges. » Parce qu'en face, le MPLA, ouais, de Agostinho Neto, de João Eduardo dos Santos, le Frelimo, au Mozambique, ils ont pris le pouvoir. Donc, ils sont dans une situation où ce sont les éléments de gauche, renforcés par Roberto Holden dans le Cabinda. Ils vont s'emparer des derniers vestiges occidentaux. Parce qu'au Congo, il y a le Parti communiste du travail, Congo-Brazza. Donc, si le Zaïre tombe, c'est fini. Ils vont faire la jonction avec Nyerere en Tanzanie. Il y aura un pouvoir de gauche en Ouganda et ce sera fini pour vous. Donc, je suis le dernier rempart. Vous me haïssez, mais vous ne pouvez rien. Si vous ne me sauvez pas, vous ne sauvez pas mon régime, c'est fini. Et c'est ça la situation. La situation du président Ouattara. Et ça, le président Banda l'a démontré sur le terrain, c'est le Shabat. Et ils ont envoyé la Légion pour sauter sur Kolwezi en 78, lutter, présenter Nathaniel Bumba, le colonel Nathaniel Bumba, comme étant un homme de gauche, un homme affilié à la Chine, un maoïste, un pro-communiste. Attention, c'est le péril rouge, le péril communiste face à vous. Et ça, on a vu la Légion d'honneur, la Légion française. Giscard d'Estaing s'est vanté de ce que la Légion d'honneur, la Légion française, ait pu sauver le régime, ait pu sauver la démocratie. Le soldat. Oui. Non, officiellement, ait pu sauver la démocratie et le monde libre par rapport au péril rouge. Donc, c'est exactement ça. C'est la répétition, l'histoire. Eh bien, elle est bizarre, c'est que l'histoire se répète toujours. Vous pouvez, vous avez beau cacher ce que vous voulez, mais l'histoire est têtue. Et cela, ça se revoit. Le Mali est le démon rouge. La Côte d'Ivoire, c'est le protecteur du monde libre. Oui, de la liberté, de la démocratie. Et le chantre de la liberté, de la démocratie, des valeurs occidentales, c'est le soldat Ouattara. Et aujourd'hui, que dans le flot des turpitudes du président Ouattara, parce qu'il faut comprendre, ces soldats, les mercenaires qui ont ivoiriens là-bas, il faut comprendre l'implication de la barbouzerie ivoirienne dans tous les conflits en Afrique de l'Ouest depuis 60 ans. Ils le font depuis toujours. Ils ont eu le malheur de trouver un chef de l'État. Assimi Goïta qui a dit trop, c'est trop. Souvenez-vous du Bénin. Bob Denard, un avion démarre en 79, arrive au Bénin pour remplacer, pour renverser Mathieu Kérékou. Après une bagarre, pendant 2-3 jours, malheureusement pour eux, les Coréens, parce que les Nord-Coréens étaient à côté de nous. Oui, ils ont pu déjouer le putsch. On a exfiltré les Bob Denard par la mer. Et Bob Denard était où? On l'a exfiltré. Il était où? Non, il était au Gabon. Chez Omar Bongo qui était... Le Ouattara du passé. Le Ouattara du passé. Donc il y a une coalition Bongo au Fouette pour renverser Mathieu Kérékou. Et les Bob Denard étaient là. C'est-à-dire, Mathieu Kérékou était connu comme le grand méchant rouge, affilié à Moscou. Il a les Coréens chez lui. C'est un communiste. Alors, c'est un communiste. Il monte une opération avec des bandits. Malheureusement, elle tourne mal. Et les gars laissent les mallettes. Ils ont déposé, ils ont abandonné des malles de papier qui prouvaient la parenté légitime, la filiation de Ofouette et de Bongo dans le putsch au Bénin. Donc, vous comprenez aisément, ils l'ont toujours fait. Pardon, je vous appelle. Vous savez bien, il y avait les ambassades où? En Côte d'Ivoire et au Gabon. Ouais. On le sait. Donc, vous trouvez une situation où les gars, le président Ouattara, aujourd'hui, ils l'ont toujours fait. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ils l'ont toujours. J'essaye toujours d'expliquer ça aux gens. Ils l'ont toujours fait. Aujourd'hui, ça a mal tourné. Ça a mal tourné, malheureusement. Et le président Assimi Goïta a dit, pas question, c'est une banale affaire judiciaire, il y a des gens qui ont commis des délits, des crimes, et ils doivent en répondre. C'est simple. Là, je vous garantis, tout ce que vous pouvez me demander, c'est de donner des garanties de ce que ces gens soient jugés dans les règles de l'art, équitablement. Eux, ils n'en veulent pas, ils disent non. Ces gens doivent être libérés, ils sont en otage, sont des otages. Le jugement équitable révélerait beaucoup trop de choses. Trop de choses, justement. Maintenant, ils se disent, la médiation togolaise, il faut amener les Togolais dans l'affaire. Sauf que les Togolais, dans cette situation, tout le monde sait que ça va conduire à une impasse. ça va aller nulle part. Ça va s'arrêter là. On actionne l'autre levier. Vous savez, l'ONU se rejoint la semaine prochaine. L'ONU, il y a à Washington, l'ONU sera là. Et le Mali est invité dans l'agenda de l'ONU. Oui. Alors qu'on peut... Il y a des situations en Afrique qui méritent d'être invitées à l'agenda de l'ONU. On n'invite pas, on ne parle pas de celles-ci. La situation de la Centrafrique. Oui, où des bandits ont pris en otage le pays. Mais tout le monde regarde. On attache les mains de l'armée dans le dos en disant, si on vous gifle, il faut résister. Mais comment peux-tu résister lorsque tu as les mains attachées dans le dos? Pourtant, en Ukraine, on a armé l'Ukraine, ouais. Disant qu'ils font c'est la figure, voilà, la plus aboutie de la résistance, vu qu'eux, ils ont des armes pour aller s'opposer à un ennemi qui est en train de faire des ravages sur leur territoire. Pendant que ça se passe en Afrique, comme ce sont les nègres, la division de la vie veut que le nègre soit un sous-homme. Il doit être exploité, il doit être tondu. On ne peut pas donner les mêmes armes, les mêmes possibilités aux nègres. Pourtant, on parle là d'une armée nationale. Régulière. Et on dit que l'armée doit être professionnelle, on dit que l'armée doit être au cœur même du renouveau de la Centrafrique, mais on ne fait pas. Pendant ce temps, le pape vous dit en Ukraine, donner des armes à l'Ukraine est moralement et voulu par Dieu. Est-ce que le pape dit? Pendant ce temps, lui, il achète le gaz russe. Hein. Il achète le gaz russe. Et lui, il a acheté le gaz russe en rouble, il y a 3 mois de cela. C'est le premier. Il a dit que moi, je ne veux pas écouter ces gens. En hiver, je ne veux pas les problèmes. Achetez-moi le gaz. Dans le Vatican, eux, ils ont leur réserve d'au moins 6 mois. Ils seront calmes en hiver. Quand on va couper l'énergie à Paris, le gaz à Paris, parce que quand les Parisiens, les pics de température qu'on a déjà là, je vous assure, on a ces pics de température en septembre, en novembre, mais ce sera incroyable. Il y aura un push militaire à Paris, je vous dis. Parce que la population va rentrer dans la rue. Il y aura un vrai push militaire. Parce que le gaz coûte tellement cher aujourd'hui. Tous ceux qui détiennent le gaz sont vantards. Tout le monde. Les gars savent que non, c'est la plus-value. Donc les gars ont multiplié le prix par 3, par 4. Mais oui, c'est aujourd'hui qu'on sait que. Mais... Donc l'affaire là, c'est comme ça. Personne n'a. Mais les Algériens ont fait la cour aux Algériens tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Partout. Même, du coup, on se met même à penser à l'Iran. Que vraiment, on peut dire aux Iraniens que si on. Lier le passé. Vraiment, voilà, donnez-nous le gaz et nous, votre programme. Sur là, voilà. On peut voir comment on s'arrange. Depuis tout le monde. Les Iraniens disent que nous, on a même les armes pour lancer à Israël, pour détruire Israël. Nous, on peut même déjà. Non, on dit non, ne faites pas ça. Mais on peut vous accorder quand même des dérogations. Donc, vous voyez, les gars se mettent à louvoyer parce que tout le monde est devenu vantard. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, pour revenir sur la CEDEAO, il faut vraiment comprendre que la situation n'est plus une situation africaine. C'est plus la situation du Mali, plus la situation africaine. On est à l'avant-veille d'une escalade internationale, une escalade mondiale qui risque d'être meurtrière. Oui, qui risque d'être meurtrière, je vous avertis. Les Américains, eux, sont en train de se préparer depuis au moins 10 ans à cette échéance. Vous savez où se trouve l'ambassade la plus étendue, la plus sophistiquée, la plus militarisée des États-Unis à l'extérieur des États-Unis? C'est au Burkina Faso. Oui. Oui. Et ils sont au Nigeria aujourd'hui en train de créer une armature. Non seulement à Abuja, ils vont construire une ambassade qui sera deux fois celle du Burkina. De Burkina. Maintenant, sur le plan technologique, ils veulent, à travers les GAFA, les multinationales électroniques, ils veulent faire quoi? Ils sont dans un processus de réappropriation. Ils sont dans un processus de rentrée au Nigeria. Donc, de retour au Nigeria, de colonisation du Nigeria. Et là, quand on parle de GAFA, on parle de Bill Gates. N'oubliez jamais ça. Jamais ça. Quand on parle des GAFA, on parle de Bill Gates. Et quand on parle de Bill Gates, ce sont les programmes de laboratoire. Tout à fait. Et quand on parle des programmes de laboratoire qui sont installés au Nigeria, c'est-à-dire à la porte du Cameroun, au milieu entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ce sera le break-up of China, ce qu'on appelle le break-up of China, le break-up de l'Afrique. Ça, ils rentrent dans une situation de guerre. Ils vont frapper. Et vous allez voir, ils vont actionner n'importe tous les gars là. Leur dire que les gars, comme vous voyez, voilà la situation. Nous, on va s'entendre, se partager les parts. Ceux qui vont faire les bruits là, on les écarte. Et vous pensez que le président Ouattara n'est pas au courant? Il est au courant. Et il sait que c'est lui le Mobutu d'aujourd'hui, c'est le protecteur du monde occidental. Et il leur dit, je défends vos valeurs. Vous voulez même, je légalise même l'homosexualité si vous voulez. Oui, parce que les 49 soldats mercenaires, c'est une menace terrible pour le président Ouattara. Ils ont commis un article dans une revue spécialisée pour parler du renouveau. Non, c'est grâce au président Ouattara que l'armée ivoirienne s'est modernisée. Que sous Oufouette, celle-ci n'existait pas. Il lui semble oublier qu'il était premier ministre sous Oufouette. Pendant au moins 3 ans, c'est lui qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Il n'a pas modernisé cette armée. Il dit aujourd'hui qu'il a modernisé l'armée. Et, sauf que, il a donné beaucoup d'avantages aux officiers supérieurs et la troupe alors. Et la troupe voit très mal ce qui se passe à Bamako. Mmh. Comment des soldats peuvent être retenus au Mali sans que le gouvernement ne bouge, n'agisse, ne réagisse? Ils sont en train de gesticuler, ils bavardent beaucoup. Ce qui trahirait donc, exposerait, pas trahir, mais qui exposerait l'impuissance du gouvernement de Ouattara pour résoudre mais aussi la fragilité de l'armée. L'armée aujourd'hui ivoirienne, ne nous cachons pas, et ça on a de sources sûres, tout le monde, les gens qui nous le disent, il y a une sorte de fracture, des dissensions, des gens qui trouvent, qui désapprouvent le fait que cela se passe, autorités qui trouvent que les autorités ivoiriennes ont été prises la main dans le sac, elles auraient pu aller négocier avec l'autorité malienne, mais derrière ça, il y a une volonté manifeste de faire quoi? Le Mali connaît la vérité sur ces 49 mercenaires. Le Mali détient les preuves. Beaucoup ont parlé. Hein. Oui, beaucoup bien ont sûr. Parlé. Déjà, ils ont été exploités. Beaucoup ont parlé. Et ils ont les preuves. Et il suffit que, aujourd'hui, mais comme sur le plan diplomatique, on ne donne pas toutes ces cartes comme ça. Ils leur disent, vous-même, vous vous êtes dédié. Vous avez accepté que c'était bon. Hein? Et on vous demande alors en retour. Il y a des bandits chez vous qui menacent les intérêts de la sécurité de notre pays. Envoyez-nous ces gens. En contrepartie, on vous donne vos bandits. C'est un échange de bons procédés. Tout le monde le fait. C'est un échange de bons procédés. Moi, j'ai vu un aviateur américain, Francis Gower Power, aller bombarder la Russie, l'Union soviétique à l'époque, c'est dans les années 70. Son avion a été abattu par la DCA russe. On l'a récupéré. Et pour le sauver, les Américains ont dû aussi rapatrier un espion russe à Tokyo. L'échange s'est fait à Tokyo. Oui, c'est normal, ça arrive. Quand vous pensez ces échanges de bons procédés, ça arrive dans les armées. D'accord. Non, aujourd'hui, le président Ouattara devrait, en toute intelligence, le faire, mais il ne peut pas le faire. Parce que beaucoup de gens détiennent les as, ces as. C'est-à-dire, quand je connais tes cartes, j'ai déjà lu tes cartes, tu es en danger. On connaît ses turpitudes. Il est tellement exposé aujourd'hui, ça le fragilise de plus en plus. À telle enseigne qu'il est obligé, là alors il devient très dangereux, l'homme politique devient un animal à ce moment, il est prêt à tout. Tout à fait. Donc dit aux Européens, je suis prêt à tout, je suis le protecteur du monde libre, il y a des démons rouges à côté, des démons communistes armés par Moscou. Imaginez-vous que, pour terminer, en 30 secondes, pour sortir. Imaginez-vous que les Allemands, lorsque les Maliens, l'autorité malienne a écrit au ministre des Affaires étrangères allemand pour lui dire quelle était la nature exacte du contrat qui liait le contingent allemand là-bas de la MINUSMA et les éléments d'appui, dits d'appui ivoirien. Les autorités allemandes ont été très claires. Nous, on ne les connaît pas. On n'a aucun contrat avec eux. D'ailleurs, nous, on est même en train de partir. On nous a refusé le droit de survol du pays. Donc, nous, on reste même encore fait quoi là-bas. Donc, nos éléments sont en danger. Nos éléments au sol, nos forces au sol sont en danger. Nous, on s'en va. Surtout que, d'autant plus que notre opinion publique voit ça d'un très mauvais œil que nos soldats soient là-bas. Donc, nous, on ne connaît pas. Comment subitement vous venez affirmer, mordicus, que non. Les Allemands n'ont pas raison. Ils sont amnésiques. On a signé un contrat. Mais le contrat, là, est où? Donc, vous comprenez que aujourd'hui, les autorités allemandes, elles aussi se dédisent. Parce que mise au parfum du grand complot contre l'Afrique, se dédisent aussi en disant nous demandons aux autorités maliennes de libérer ces gens sans délai parce que ce n'est pas bien. Ce sont des otages. Le droit international réprouve de telles pratiques. Mais est-ce que le droit international méconnaît la justice? Le droit à la justice, le droit à la vérité. Le droit international ne répond, ne méconnaît pas ça. En principe, devrait reconnaître. Voilà. Merci à vous, Harry. Alors, Maître Janvier Momo, et je vais d'ailleurs prendre, vous poser la question par le bout par lequel nous a d'ailleurs tendu tout à l'heure Henri Diabaté Manding, revenant sur cette posture du président Assimi Goïta qui refuse donc que l'affaire soit portée au cœur donc des instances sous-régionales de la CEDEAO. En l'état actuel, est-ce que la CEDEAO pourrait donc statuer sur un dossier où l'une des parties n'est pas partie? Percez-moi l'expression partie prenante. Alors, c'est une question très simple. On n'a pas besoin. La CEDEAO, le Mali est signataire des accords d'Abuja et les accords de Bénin, de Cotonou, qui créent la CEDEAO. Alors, pour le moment, le président Assimi Goïta dit ceci, que le fait que l'affaire soit portée à la CEDEAO, ça ne lie pas le Mali. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça n'empêche pas le Mali de continuer au niveau de sa justice à poursuivre les 49 mercenaires ivoiriens interpellés à l'aéroport Modibo Keïta Senou. Il faut comprendre dans cette affaire que la Côte d'Ivoire est en train de prendre les devants. Parce que c'est une cour communautaire. Et ces décisions sont applicables sur le Mali. Et c'est une cour que le Mali... Que le Mali a été bien sûr. C'est le Mali qui s'est mis à l'écart, qui se met à l'écart. Mais les signataires des accords. Et je voulais continuer en disant ceci. Que le Mali lui-même a saisi la cour communautaire pour des sanctions prises par la BCAO pour bloquer l'ensemble de ses avoirs. C'est vrai que le Mali a eu gain de cause, mais la décision, au fond, nous n'avons pas d'informations sur l'exécution de cette décision de justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que recherche la Côte d'Ivoire? Et c'est là le plus important. La Côte d'Ivoire est dans une guerre par procuration. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne connaît pas le point de vue de la France. Non, le point de vue de la Côte d'Ivoire, c'est celui de la France. D'ailleurs, qui pilote la CEDEAO en amont et en aval. Donc, pour nous, la Côte d'Ivoire prend les devants parce qu'elle voudrait avoir un arsenal juridique en son sein pour continuer la déstabilisation du Mali. Ça veut dire que si elle saisit la CEDEAO, qu'elle manipule d'ailleurs à volonté, avec les autres présidents que le président Bandakani a cité tout à l'heure. Ils cherchent à obtenir une décision au niveau de la CEDEAO et saisir son parrain, le parrain de l'Empire de l'Abjection, qui est la communauté internationale, pour chercher à libérer de force leurs otages, puisque ce n'est plus à leur niveau, le terme mercenaire est dépassé. Le terme est dépassé. Donc, oui, ils touchent maintenant, ils sont au niveau... Au niveau de la prise d'otages, c'est-à-dire des gens qui légalement se retrouvaient sur le sol malien, mais dont leur liberté a été obstruée, leur liberté a été happée par le pouvoir de transition en République du Mali. Donc pour eux, il est question d'obtenir une décision des instances judiciaires de la CEDEAO et d'invoquer la communauté internationale pour intervenir au Mali, chercher à libérer de force les otages. Or, quand vous regardez le prochain sommet de la CEDEAO qui se tient aux États-Unis, mais c'est davantage, ils vont poser davantage ce problème. Je pense que c'est même le problème des 49 mercenaires ivoiriens qui fait en sorte qu'eux, ils déportent l'organisation, l'assise de l'organisation communautaire vers un autre continent qui est le continent américain. Solliciter davantage leur présence à les assister au moment de prendre de force les otages qui se retrouvent au Mali. C'est pour ça que nous disons que le Mali a beaucoup tardé. La justice malienne a beaucoup retardé. Et ces négociations, d'accord, elles sont africaines. Mais sur un tout autre plan, lorsque vous êtes en guerre contre la France, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le mandataire de la guerre que la France mène au Mali. La Côte d'Ivoire en elle-même, si vous voyez, si nous entrons dans les méandres, vous regardez que les Maliens regardent l'armement que est tenu par les 49 mercenaires. Cet armement est de fabrication de quelle nationalité? Ainsi de suite. Quand vous allez regarder, cela va trahir ceux qui sont derrière les 49 mercenaires. Côte d'Ivoire... Est-ce que les autorités maliennes sont... Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont naïfs? Est-ce qu'ils ne connaissent pas véritablement le complot international qui se prépare contre eux aujourd'hui? Non, ils connaissent le complot international. Et c'est pour ça que nous disons que ils devraient être aussi vigilants, ils devraient être plus vigilants de façon à ne pas se perdre en conjecture. Parce que ce que les échanges faits avec la Côte d'Ivoire, ça c'est de la conjecture. C'est une perte de temps qui, normalement, est en train de freiner l'élan du gouvernement de transition de la République du Mali. Ce que le Mali doit faire aujourd'hui, c'est de continuer à ouvrir la coopération avec le partenaire russe. Parce que nous voyons déjà ce qui va se poindre à l'horizon. Avoir une décision qui légalise le mot otage en lieu et place de celui de mercenaire. Et par voie de conséquence, chaque État a le droit sur le plan international à protéger ses citoyens où qu'ils se trouvent. Et dans la protection de ses citoyens qui, selon eux, vont se retrouver irrégulièrement dans les geôles maliennes, il y a naturellement une organisation armée pour aller les chercher où qu'ils se trouvent. Et lorsqu'on invoque le Nigeria dans l'affaire, le plus gros contingent de l'ECOMO, c'est le Nigeria. C'est les forces nigériennes. Vous les avez vus dans des abus en Côte d'Ivoire et en Gambie, lorsqu'il s'agissait de Yaya Ndjamé. Donc pour nous, il faut continuer à attirer l'attention du gouvernement de transition du Mali d'être prêt parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête, premièrement, à exécuter les mandats de justice de la République malienne. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est engagée dans une guerre de procuration pour déstabiliser la République du Mali et au nom et pour le compte de la République française. Parce que, ne l'oubliez jamais, la France n'a jamais et ne peut pas continuer à tolérer ce qui lui est arrivé au Mali. Donc pour nous, le gouvernement de transition du Mali doit laisser la justice malienne faire son travail. Et dans les plus brefs délais, qu'une décision de justice intervienne au Mali avant celle de la CEDEAO qui vient d'être saisie. Parce qu'en réalité, il faut que le Mali continue d'affirmer sa souveraineté. Et dans l'affirmation de cette nouvelle souveraineté, les négociations même avec la Côte d'Ivoire étaient interdites. Allez, la justice malienne, elle suit son cours, elle les condamne et ce qui va arriver, arrive. Donc pour le moment, pour nous, la Côte d'Ivoire étant engagée dans une guerre par procuration, ne peut que faire la volonté de Paris et de tout l'Occident. Or, le Mali a en main des documents probants qui, que ce soit au niveau de la justice malienne ou de n'importe quelle justice, font en sorte que la qualification des Ivoiriens saisis, arrêtés, interpellés à l'aéroport Modibo Keïta, c'est quoi? C'est mercenaires. Parce qu'ils n'ont pas aucun mandat. Ils n'ont pas de sauf-conduit, ils n'ont pas de documents qui les protègent sur leur déplacement hors de leur territoire ivoirien. Encore qu'ils ont été arrêtés, non seulement dans une présence irrégulière, mais aussi et surtout avec les armes et les munitions. Tout à fait. tout à fait. Voilà donc qui est dit. Alors, docteur Basiliken, nous vous donnons la parole. Et j'ai envie de dire que nous courons cette fois-là contre l'OTAN, puisque dans la démarche du président Alassane Dramane Ouattara, il a pris véritablement, il semble avoir pris un coup bien au-dessus pour tenter de contourner aujourd'hui ce qui se présente du côté de Bamako. Et on a suivi Maître Momo tout à l'heure qui semblait ne pas comprendre, et dans ses deux prises de parole, il semblait ne pas comprendre effectivement la manière, la légèreté avec laquelle les autorités de Bamako étaient en train de traiter ce dossier. Il a dit qu'ils étaient en train de faire un bisou à une vipère et dont il fallait s'attendre à ce qu'on soit mordu aujourd'hui en changeant la terminologie et la qualification de ces mercenaires arrêtés du côté de Bamako, ce qui laisse croire effectivement que le président Ouattara est en train de préparer un coup pour déjouer véritablement les autorités de Bamako. Quelle posture devrait donc adopter ces derniers, vu que les jours qui vont suivre, on aura certainement beaucoup plus de précisions par rapport à ce dossier? Écoutez, moi j'étais d'avis qu'il fallait que les autorités maliennes, avant la date d'aujourd'hui, elle laissait agir la justice malienne dans cette affaire. Mais en réalité, ce n'est qu'un épisode. Dans tous les cas de figure, j'ai l'intime conviction que, avant le déclenchement même de la guerre d'Ukraine, l'Occident avait préparé la possibilité de recoloniser l'Afrique et de faire des richesses de l'Afrique ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire en tirer profit au détriment des Africains. À mon avis, aujourd'hui, les autorités maliennes n'ont plus le choix. Qu'elles fassent agir leur justice ou qu'elles ne le fassent pas, ce n'est pas ça qui va interdire l'Occident d'aller jusqu'au bout. Je crois personnellement que ce qu'il faudrait faire, c'est que les Maliens sachent que dorénavant, l'allié le plus capable de les sortir de ce pétrin, c'est la Russie, et de préparer avec la Russie tous les accords, tous les documents diplomatiques qui font que, le moment venu, si les armées russes devaient intervenir massivement au Mali, eh bien que ça n'apparaisse pas comme quelque chose d'imprévu, un tâtonnement, mais que ce soit vraiment clair. Après les exposés de Henri Diabaté, de Bandakani et de Maître Momo, c'est clair que l'Occident prépare cette affaire depuis des années, parce que on ne voit pas comment brusquement les djihads qui étaient censés être au Moyen-Orient ont massivement envahi l'Afrique au sud du Sahara. Et si nous sommes encore un peu éloignés, nous autres Camerounais et Nigériens, c'est bien parce que la France avait prévu qu'il faut qu'elle intervienne d'abord dans un territoire malien avec lequel tous les documents diplomatiques peuvent justifier son action, alors au lieu d'aller au Nigeria, et par malheur pour le Boko Haram, eh bien, ils ont trouvé au Cameroun de la résistance, et c'est ce qui nous préserve encore. Donc, je crois que l'Occident a prévu de longue date de troubler tout le continent africain, et alors d'en profiter pour venir s'installer et reprendre la colonisation là où elle s'est arrêtée avant 1960. Malheureusement pour eux, les jeunes colonels du Mali ont appelé la Russie, le président Touadéra en Centrafrique a appelé la Russie, et aujourd'hui, la Russie étant déjà présente en Afrique, je crois que l'affaire ne sera pas aussi cuite qu'ils espéraient qu'elle serait. Président Banakan, est-ce que la seule présence, donc, effectivement, alors le fait, est-ce que le Mali devrait, en l'état actuel, vu qu'on l'a suivi sur ce plateau, il y a donc une forme d'internationalisation de ce conflit, entre guillemets, de la situation du Sahel, avec en prime la présence d'une force internationale militaire qui devra certainement agir. Est-ce que le fait désormais pour. Est-ce que le Mali devrait seulement. le fait de signer un accord militaire peut-être un peu plus abouti avec la Russie serait la solution idéale pour essayer de contrecarrer effectivement l'hypothèse d'une intervention militaire internationale du cas sur son territoire. J'ai fait plusieurs émissions avec vous. Vous vous souvenez où je vous ai dit que ça ne va pas. Il y a longtemps, j'ai dit au régime malien de se préparer à faire la guerre. Mm-hmm. J'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit ça. Je l'ai dit ici. Donc pour moi, rien ne se prend. Et croyez-moi, ils ne sont pas naïfs à Bamako. Hein. Ils ne sont pas naïfs. Quand on fait un peu de jeu aux stratégies militaires, élémentaires, on comprend le tenant et les aboutissants d'une démarche comme celle, n'est-ce pas, que les autorités de Bamako ont choisie. Mm-hmm. Ils ne sont pas naïfs. Il n'y a pas d'internationalisation. Elle est déjà internationalisée, oui. C'est ça. Simplement, la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a un déclassement de Paris au profit de Washington. C'est ça, le fait que la CEDEAO veut faire l'Union. C'est ça qu'il s'agit. Oui. C'est-à-dire, Paris est déclassé. On a dit ça assez plusieurs fois. Que la France, pour moi, la France est pratiquement terminée. C'est à elle de se défendre. Ça, c'est terminé. Washington, à partir de la guerre en Ukraine, a décidé de remettre les Européens à leur place. Ce sont les femmes de ménage. Ils sont pires que des vassaux. C'est ça. Et c'est ce que la France a fait de subir. Maintenant, c'est aux Français de voir s'ils ont été un jour libres. C'est aux Français maintenant de démontrer qu'ils sont le pays de la Révolution. La Révolution française. Donc, pour la tête du roi, machin et consort, on les a planté un Tintin à leur tête qui vend le pays. C'est à eux de voir. Ça les regarde. Ce qui est là, c'est quoi? C'est le Ouattara, je suis ça. Et je suis ça, c'est-à-dire que c'est le déclassement de Paris au profit de Washington. Washington reprend en main le dossier du Sahel. Oui. C'est de cela qu'il s'agit, c'est pas autre chose. Et c'est la carte de Ouattara. Mais maintenant, ce que j'ai dit, tout ce qu'on dit là, ça ne veut pas dire que Ouattara a déjà gagné. Non. Attention, ça peut se retourner contre lui. Ça doit même se retourner contre lui. Attention. Peut-être si jamais les autorités encore décident d'exposer les preuves qu'ils ont en leur possession. Non, ils s'en foutent des preuves. Je pense que les preuves, c'est l'Occident un élément. C'est un élément de com. Mais Ouattara a honte. L'abjection a honte. On dit que quelqu'un, c'est l'abjection. Vous dites, il n'a pas honte. Il n'a pas d'émotion. C'est vous croyez que c'est une humain qui a honte. Non, il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion. Il n'a pas honte. D'émotion. Attention, vous savez ce que vous avez à faire. Hey. Pas de naïf. Non. Monsieur Ouattara n'a pas. Quand je parle de l'origine de l'abjection, c'est dans tous les sens du mot. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas honte. C'est vous qui êtes à ce niveau. Il joue sa survie. Cette affaire, c'est un dossier. Djamate, vous avez dit ça. Même vous l'avez dit. C'est un dossier grave. Hein. Vous n'imaginez même pas l'impact dans la mer ivoirienne. Vous n'imaginez même pas l'impact. C'est grave. Il vous a parlé de l'organisation de la mer ivoirienne. On se vantait, Ouattara. Il a fait que l'armée. Tout ce qu'il a fait là d'abord, c'est en violation des règles militaires. On est le commandant en chef de l'armée. Il y a le comportement qu'un commandant en chef d'une armée ne fait pas. Oui, tout à fait. Oui. Cette affaire, il l'a fait. Il a fait. Il a d'abord qu'on a arrêté les gardes, il a dit qu'il ne les connaît pas. Oui, tout à fait. Il a dit qu'il ne les connaît pas. Tout ce qu'il fallait maintenant, c'est. Je vous dis que c'est une affaire où il recule, il est coincé. Il avance, il est toujours coincé. Donc, maintenant, aller faire. Alors, la question, c'est quoi? J'ai dit que Washington reprend l'affaire. Il s'agit de l'OTAN, c'est-à-dire la CEDEAO veut devenir CEDEAO OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. C'était une affaire française, Et Ouattara veut alors être en première ligne de ça. Il veut être en première ligne de ça. C'est lui qui porte ça. Et la fois, chez de Washington, il porte ça. C'est lui qui veut être en première ligne par rapport à ça. C'est de Ouattara. C'est évident, non, pour faire la. Mais tu as de rire. Mais pour faire la guerre à la Russie. Donc, c'est pas une affaire. Faut pas. Ça allait, ça devait arriver. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? Il ne gagnera pas. Vous savez, un être abject croit que le monde commence avec lui. Qu'avant lui, personne n'a existé. Il croit que le pouvoir existe à partir de lui. Il ne sait pas que ce qu'il fait là. Les gens ont fait ça hier plus que lui. Oui. Djamaté vient de citer un nom. Il avait sa mémoire phénoménale. Il vous a rappelé l'histoire de Corvosi. J'ai beaucoup aimé ça. C'est le même contexte là. C'est une même configuration en apparence. Mais ok. Quand on retourne avec Corvosi, il n'a pas la gagner. Il était content, non? Oui. C'était terminé comment? Ce sont ces mêmes patrons qui lui ont dit un jour que monsieur. Dégage. Le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Bill Richardson, il s'appelle. Bill Richardson, ambassadeur de USA au Congo, en DDC à l'époque. Monsieur, quitte le pouvoir. Il lui dit, mais, dans maintenant, tu te retournes contre moi. Je te donne deux jours. Quitte le pouvoir, sinon on traînera ton corps ici. les enjeux avaient changé. Parce que Ouattara ne connaît pas les méandres de la géopolitique mondiale. Il croit qu'il est très important dans la géopolitique mondiale. Il n'y a rien. Il ne vaut absolument rien dans la géopolitique mondiale. Pourquoi ? Sa manger, c'est quoi ? C'est la trahison. Je vais vous dire la vérité. Dans aucun camp, on ne respecte un traître. En commençant par ceux qui t'utilisent. C'est ça. Dans aucun camp, on ne respecte un traître. Quelqu'un trahit sa race, c'est un traître. Il va finir comme un traître, comme un rat. Parce que même ceux qui l'embrassent savent que c'est un traître. Ils savent qu'on ne l'aime pas, que le peuple n'est pas avec lui. Ils le savent. Et quand les conditions seront réunies, ils vont le lâcher comme ils ont lâché Mobutu. Sauf que ce temps-ci-là, Mobutu a tenu un temps après qu'on le dise, un bon bout de temps. Oui. Mais Ouattara n'a plus le temps. Non, il n'en a pas. Ça va très vite. Ça va très vite, il n'a plus le temps. Les choses vont vite, mes amis. Regardez la géopolitique mondiale. Allons un peu loin. Sortez un peu de ça pour voir. Mais tout ça est lié. Quand la reine d'Angleterre, bon, ce qu'on appelle reine d'Angleterre décède. Alors, on veut faire de ça un deuil mondial. Ça nous concerne pas, nous savons tous. Tu es anglais. On est la grand-mère de l'humanité. Elle est la grand-mère des personnes en Afrique. Ça nous concerne même pas. Parce que nous, c'est la décence quand les gens meurent, nous, les étrangers. Mais qui peut honorer c'est ça? Qui s'en considère par la mort de celle-là? Elle est une calamité pour le monde. Mais peu importe. Vous avez vu la sortie de Rothschild? Le patron de la City. Il demande à l'Écosse, à Nouvelle-Zélande, de faire sécession avec l'Angleterre. Et à l'heure actuelle, il y a un débat commencé au Canada. Oui. Au niveau que monsieur, c'est fini cette affaire d'être le sujet de la couronne britannique. C'est terminé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un roi qui a remplacé? Il n'y a pas de succès, hein? Yeah. Mais ouvre les yeux. Ça va très vite dans le monde. C'est-à-dire les chamboulements géopolitiques vont très vite dans le monde. Et un type comme ça qui pense que le monde a commencé avec lui, qu'il est trop fort, que le pays est le premier, avant lui, personne n'a même fait ça. Ses jours sont comptés. Il ne sait pas. Cette affaire peut se retourner terriblement contre lui. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer. D'abord, il pense que les Américains sont trop forts. Voilà. Première erreur. Tous ces gens de l'OTAN, de CDAO qui vont aux États-Unis, là, ce sont des valets. C'est-à-dire, ils sont même pas dit que ce sont des valets. Leur patron, c'est mal le rappel à l'ordre. Que vous êtes mes valets, que vous êtes fabriqués, revenez ici faire allégeance. Mais, qui vous dit que votre patron est encore si fort que ça? Qui vous dit ça? Si c'était le cas, les amis, le régime de Mali, là, ne l'aurait pas fait deux jours. Oui. Il n'aurait pas fait deux jours. Ça aurait été un contexte où ils étaient forts. Ils n'auraient pas fait deux jours. Si c'était encore puissant, c'est que Macron n'aurait pas fait en train de faire le deuil partout. Il pleure partout. Il pleure. La Russie a volé les biens de la France. Il pleure. Il pleure partout. Enfin, il ne pleurait pas. Le matin, on affiche Paris. On dit que tu as mangé la chair humaine. On te dégage. C'est tout. C'est tout. On t'assassine. Oui. Ils auraient fait ça à toi. De là, à Tubigo, ils auraient fait ça partout. Ils Mais ils pleurent, non? Ils pleurent. Ça sert à quoi de nommer un général au Cameroun? Comment ça? Cette affaire, général, c'est qui? On va le neutraliser. Ils vont quoi? C'est qui? On avait pire que ça. Non, que ça, c'était plein qu'il fallait avec le gars des Américains là. Maintenant, il faut le dire. Comme on l'a remarqué depuis, il faut le dire, il faut semblant. On n'est pas naïf. Nous l'avons à l'œil. L'ambassadeur américain, on l'a à l'œil. Comme par là, il va suivre ça. On l'a à l'œil. Nous connaissons ce qui se passe là, ce petit jeu là. Mais ça va marcher. Donc ça va. Il n'est pas sûr que Ouattara fait ses plans, mais qui a dit que ça va marcher? Que voyez les dirigeants maliens là? Vous les voyez trembler? Quand vous les voyez là, ils tremblent. Quand vous voyez le type qui veut que j'ai dit, mon frère qui dit lequel est le compliqué là? Et c'est lui blanc. c'est Abdoulaye Maïga. Je connais Abdoulaye Maïga. Est-ce que vous voyez que c'est blanc? Vous voyez, c'est Bigota. Il rit, il blague. Non, ils savent. Ils sont décidés, ils savent où ils vont. Exact. Et dans ce combat, il y a beaucoup de paramètres qui échappent à Ouattara, qui est un petit prétentieux, petit vantard. Dans le mal, beaucoup de paramètres lui échappent. Beaucoup de paramètres lui échappent. Et il croit que cette fuite en avant, aller se cacher derrière le parapluie, tout ce genre-là, ça va marcher. Je vous dis ça pourquoi. Regardez le dossier de la drogue, comment ça a été géré. La mafia a tout fait pour protéger Ouattara, non? Tout à fait. Vous voulez dire? Mais ils ont liquidé même Bakayoko. Tout à fait. Et après, ils ont nettoyé. Tout ce qui travaille pour Bakayoko, ils ont nettoyé tout ça en faisant. Ils veulent nous faire croire que non, Ouattara n'est pas impliqué. C'est tout. Ça fait rire, ça. Que le premier ministre d'un pays gère C'est-à-dire que tout un système de banque de drogue dans toute la sous-région. Sans que son patron dirait. Et que le président n'est pas au courant, ça fait rire. Mais maintenant, il y a plus grave que ça. Qui protège Ouattara? C'est la CIA. Le plus grand vendeur de drogue dans le monde s'appelle CIA. Vous avez peur de quoi? La CIA, c'est les parents, c'est eux qui parlent. La vente de la drogue dans le monde, c'est la CIA. Il faut le dire. Maintenant, la CIA peut-elle vendre la drogue dans le monde sans que le président américain ne soit au courant? Non. Hein? Voilà, la question de savoir maintenant entre la CIA et un président, qui est patron? Et vous allez tout comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe? Il y a les pays qu'on cite là, Guinée-Bissau. Hein? C'est au lieu de se taire même qu'on l'oublie, il bavarde. Il dit que là, il nous faut une force anti-putsch. Mais l'histoire de la Guinée-Bissau, c'est quoi? D'abord, c'est de quoi il parle? C'est quoi l'histoire de la Guinée-Bissau depuis tant d'années? C'est pas l'affaire de vente de drogue? C'est pas les affaires d'une hiérarchie militaire prise dans la vente de la drogue? Il parle de quoi? Il n'y a pas de hasard, les chers amis. Le président de la Guinée-Bissau, on l'attrape. Il ne peut pas toucher. Mais comment? Il a tenté de s'attaquer, de nettoyer. Il ne peut pas. On lui a dit, ah bon, c'est comme ça? Il ne peut pas. Souvenez-vous de son épisode? Bien sûr. Dernier coup d'état, là, oui. Ouattara a voulu le toucher, il a dit, bien sûr. Ton ami, aujourd'hui, faites très attention. On l'a secoué. Les gars, dans le contrôle. Ouais. Donc, il y a tout ça. Donc, pour dire quoi, pour terminer, il faut que les gens comprennent très bien les mutations géopolitiques dans le monde et ce qui attend l'Afrique et les Africains. Et les épicentres maliens, centrafricains, les épicentres, le Tchad, tous ces pays-là, le Cameroun, on voit très bien les manœuvres et les plans. On voit tout ça marcher et consort. Il faut que les Africains comprennent les enjeux et qu'on ne se trompe pas des éléments de langage. Les rêveries d'avant, là, on croit que non, vraiment, il faut des Africains vont être unis. On fait comment pour unir Ouattara et Assimi-Gotha? On fait comment pour les réunir? Le jour et la nuit, c'est pas possible. C'est très bien parce que ça a profond. Il faut se projeter sur ce qui nous attend, effectivement, du côté des Nations Unies, vu que le plan est démasqué. À quoi doit-on s'attendre de cette réunion? Pour nous, c'est une réunion informelle de cette caisse de résonance, la CIDAO, du côté de côté des États-Unis. Il n'y a rien, le monde entier, les dirigeants maliens ont montré, il faut le plus, à quoi sert l'ONU, c'est quoi c'est que l'ONU. Mais le dossier, bon, on verra ce que ça va donner, on met ça sur la table, mais on sait très bien qu'on verra. Ça va être autre, une guerre qui va refléter les fractures géopolitiques qui est au niveau mondial, c'est-à-dire d'un camp, les BRICS, c'est-à-dire les pays africains et les alliés étrangers, la Russie, la Chine. Et un peu d'autres qui soutiennent les dynamiques de changement en Afrique et l'Occident. C'est les deux lignes qui vont se reformer à l'ONU. Les deux lignes vont se former et chacun va protéger ses alliés. Les alliés vont essayer de protéger Ouattara et d'autres vont protéger le Mali. Donc maintenant, on va voir si sur le plan militaire, les Occidentaux sont prêts à aller jusqu'à sont prêts d'affronter un pays comme la Russie ici dans le Sahel, s'ils en ont les moyens militaires. D'accord. Sinon, attendez, je vais dire ma conclusion très bien. Vous voyez ma conclusion. Dans l'histoire de cette affaire-ci, Maître Momo, je ne t'ai pas dit abattu. Qui est le vrai parrain de Ouattara? Qui l'a accompagné dans la prise au pouvoir? C'est la France ou bien les Américains? Bon, s'amuser comme ça à basculer cette plaque tectonique de la géopolitique, dire que okay, maintenant, je peux me séparer des Français pour aller directement américaniser l'affaire du Sahel. Est-ce qu'il a l'envergure, il a les moyens? Qui lui dit que les Français peuvent faire se retourner contre lui-même? J'ai justement posé une question. Très bonne question, monsieur, pour refermer malheureusement ce débat assez passionnant qui se referme puisque la seconde se prépare dans moins d'une dizaine de minutes. Merci à vous, très chers combattants des libertés fondamentales sur le continent africain, président Bandakani, Henri Diabaté, Mandeng, l'historien. À chaque fois, vous nous permettez de nous évader un tout petit peu, mais surtout d'être mieux avertis, d'être outillés sur les différentes mutations qui prennent place, parce que connaître aussi son histoire, ou alors l'histoire, c'est savoir au mieux comment se projeter à l'avenir. Je l'ai dit, au risque de me répéter, oser lutter, c'est oser vaincre. Merci à vous, très cher monsieur, de nous avoir suivis en rang serré sur le continent africain, même au-delà. La lutte reste et demeure. Merci à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.